Bonsoir à tous. Il est 20h. Vous êtes en direct sur Radio Arc-en-Ciel. C'est l'arrêt d'Argus Sport qui démarre. Pendant 2 heures, nous sommes ensemble pour le débrief de la semaine sportive. Bienvenue à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon début de semaine. Si vous êtes en vacances, bah, profitez-en. On va débriefer tout ce qui s'est passé. Évidemment, plein de choses encore ce soir. Du foot avec Hugo qui nous rejoindra à 20h30. Il y a plein de choses aussi avec la Ligue 1. Il s'est passé beaucoup de choses ce week-end. On reviendra dans le choc en haut avec Monaco-Marseille. On reviendra aussi sur le match de Lyon hier qui se rapproche du podium. Voilà, il s'est passé plein de choses encore en Ligue 1. La Ligue des Champions, bien entendu, avec les quarts de finale retour que l'on attend cette semaine. Tout ce qui s'est passé aussi en Europe dans les championnats, différents championnats. Voilà, on a un petit peu plus de, un niveau un peu plus clair sur les clubs européens qui se positionne, voilà, donc tout le débrief de ce qui s'est passé sur le foot à 20h30 avec Hugo. On aura aussi, avant ça, tout le reste du multisport, hein, flash résultat avec le rugby, les résultats donc des quarts de finale de la Challenge Cup, voilà, avec les clubs français qui se sont qualifiés. On aura sur le choc hier, hein, entre Toulon et Toulouse. Voilà, c'était un sacré match encore, c'est Toulouse qui s'en sort encore. On y reviendra bien entendu tout à l'heure. On aura du tennis aussi avec la victoire de Carlos Alcaraz hier sur la finale du tournoi de Monte Carlo. Voilà, qui s'est imposé, on y viendra en 3 manches. On aura aussi tout à l'heure, eh bien, du basket avec l'OLB qui a vécu voilà, un match plus compliqué en début de semaine et puis beaucoup mieux ce week-end avec une victoire. Même constat pour Saran au handball, on en parlera aussi. Voilà, qui a vécu des émotions un petit peu différentes toute la semaine avec 2 matchs aussi qui étaient au programme. Voilà, donc on va revenir sur tout ça, bien entendu. On aura aussi l'actualité mécanique, sur mécanique avec la Formule 1, la victoire hier de Piastri. On avait aussi Marquez en MotoGP. Voilà, donc il s'est passé pas mal de choses aussi de ce côté-là. On va y revenir. Et puis un petit mot de cyclisme avec la victoire de Van Der Poel qui s'est imposé hier. Donc dans le Paris-Roubaix, on y reviendra. Et Pogacar qui a terminé 2e. Voilà donc ce qui nous attend tout à l'heure aussi dans cette émission. Voilà pour le programme, le sommaire et puis les directs que l'on suivra ce soir. 3 matchs au programme, 4 même, avec un match en Ligue 2. C'est la 30e journée de Ligue 2 donc qui va se clôturer avec Bastia Laval. Le match démarrera à 20h45. Très peu d'enjeux dans ce match, hein. Le maintien est déjà assuré depuis un petit moment pour ces deux clubs. Et puis, pour la montée, il sera trop loin maintenant. On va y revenir, mais le podium est joué, hein, maintenant, pratiquement, on va dire, pour les 3 qui sont en haut, avec un qui passera par un barrage. On va y revenir dans cette Ligue 2. En Angleterre, c'est la 32e journée de Première Ligue entre Bournemouth et Fulham, 10e contre 8e. Là aussi il y a des enjeux peut-être pour Fulham. Bournemouth qui est un petit peu plus loin, mais Fulham qui peut encore espérer chercher quelque chose en fin de saison. Donc en cas de succès ce soir, il faudra absolument gagner. En Espagne maintenant, la Ligue à 31e journée, Atlético de Madrid qui reçoit Valladolid, la lanterne rouge, 21h cette rencontre également, pour se rapprocher, pour revenir à 3 points du Real, toujours dans cette fin de championnat, espérer encore quelque chose, peut-être en cas de succès, revenir à 6 points du Barça. On va suivre ça bien sûr avec attention. À 7, pardon, même points du Barça, ça se rend un petit peu loin quand même. On va en reparler tout à l'heure. Et puis l'Italie, c'est à 20h45 également, cette 32e journée de Serie A entre le Napoli 2e qui reçoit Empoli 18e. Enfin, les chocs des classements. Empoli qui joue le maintien. Et puis pour Naples, il s'agira de rester accroché, toujours à 3 points derrière l'Inter qui s'est imposé. On y reviendra aussi, hein, donc ce week-end. Donc ce sera l'objectif de cette rencontre pour Naples. Pourrait toujours croire ce titre. Rien n'est joué, hein, reste encore quelques journées en Italie. Il faudra gagner ce soir face à cette équipe qui joue les points aussi pour le maintien. Voilà les 4 directs de la soirée. Donc plein de choses encore ce soir à découvrir, hein, 20h30. Donc Hugo pour le gros débrief foot. Et puis jusque là, bien entendu, comme d'habitude, notre flash résultat multisport, hein, tout ce qui s'est passé dans le reste de l'actualité sportive. On démarre tout de suite avec le début du programme dans quelques secondes. La vie est belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Et pour démarrer, eh bien, on va démarrer avec l'actualité sport mécanique. Je vous le disais juste avant, eh bien, on avait un Grand Prix Formule 1, on avait un Grand Prix moto également. En Formule 1, c'était le Grand Prix du Bahreïn qui se déroulait hier, avec la victoire pour l'Australien Oscar Piastri, qui avait d'ailleurs notamment remporté la séance de qualification, qui était en partie en pole position. On retrouve ensuite la Mercedes de Russell qui termine deuxième, l'autre McLaren, Norris troisième, Ferrari, Charles Leclerc quatrième, Hamilton cinquième sur son Ferrari, puis Red Bull avec Verstappen assez loin, sixième seulement. Les premiers points cette saison pour Pierre Gasly sur Alpine avec sa septième place, et puis Esteban Ocon qui rentre aussi dans les points avec la huitième place pour Haas, donc qui se classe dans les points. La conséquence au classement, c'est que Lando Norris reste leader avec 77 points. Piastri reste très proche, avec 3 points derrière, 74 points. Verstappen très proche aussi, 69 points. Il n'est pas très loin, ça se joue à peu de choses. Russell, 63 points. Pour les autres, c'est bien plus loin, mais en tout cas, ces 4-là se tiennent quand même assez proches pour après ces 4 premières courses de la saison. L'Arabie Saoudite sera au programme de le Grand Prix de dimanche, pour clôturer ce mois d'avril, puisqu'après on partira aux États-Unis avec Miami au mois de mai, et clôturer avril, ce sera l'Arabie Saoudite, donc dimanche au programme de cette suite de saison de Formule 1. En MotoGP, c'était le Qatar qui était au programme dimanche. Hier, c'était Marc Marquez, l'Espagnol, qui s'est imposé, qui avait d'ailleurs déjà remporté la course sprint qui avait lieu la veille. Donc il prend des points importants, l'Espagnol. Il s'impose devant Bagnaia, donc sur Ducati également, et puis Morbidelli troisième. Zarco a noté de belles performances quatrième, et puis la septième place aussi intéressante de Fabio Quartararo, donc dans ce Grand Prix du Qatar. Marc Marquez est toujours leader, 123 points. Alex Marquez deuxième, 106 points. Bagnaia à 87 points et troisième. Voilà pour l'instant le podium de ce championnat du monde de MotoGP. La suite de la saison, ce sera domicile pour Marc Marquez et ses compatriotes, puisque ce sera le Grand Prix d'Espagne, l'un des 4 Grands Prix en Espagne, puisque je vous rappelle qu'on aura aussi le Grand Prix d'Aragon, de Catalogne et de Valence. Et donc là, c'est le premier des 4 avec le Grand Prix d'Espagne. Ce sera pas ce week-end, mais le week-end prochain, dimanche prochain, voilà, que se déroulera ce Grand Prix, pour enchaîner la 5e étape de cette saison de championnat du monde de MotoGP. Et puis dans le championnat du monde des rallyes, ce week-end, là à nouveau, on sera encore au repos, mais ensuite direction les îles Canaries pour l'entrée dans le calendrier de cette saison du rallye des îles Canaries. Ce sera une grande nouveauté donc dans la saison. Ce sera à partir de jeudi prochain jusqu'au dimanche pour inaugurer cette nouvelle étape, hein, cette nouvelle étape dans le calendrier, avec pour l'instant le Britannique Elfyn Evans qui est en tête devant Thierry Neuville, le Belge toujours présent sur ce podium. Voilà pour notre actualité sport mécanique, ce qu'on pouvait en dire ce soir. On poursuit avec un mot, je vous le disais, un mot de cyclisme, puisqu'on avait ce week-end le Paris-Roubaix qui se déroulait. C'est finalement Mathieu Van Der Poel qui s'est imposé, le Hollandais, devant Tadej Pogacar. A longtemps été à la lutte, hein, ces deux-là, finalement une chute de Tadej Pogacar qui a eu raison de la victoire, hein, du Hollandais. Van Der Poel qui s'impose du coup avec plus d'une minute d'avance, Pogacar donc deuxième, Petersen ensuite, et puis Van Aert quatrième. Voilà pour ce Paris-Roubaix, donc qui s'impose le Hollandais pour la troisième fois consécutive dans ce Paris-Roubaix, et qui se partage avec Pogacar, ben, tous les grands tours, les grands monuments de cyclisme cette saison, hein. Donc on a hâte de voir ce que ça va donner sur la suite de la saison, bien entendu. On avait Tour des Flandres aussi la semaine d'avant. On a eu le Milan-San Remo. Voilà, on attend les prochains. On aura Liège-Bastogne-Liège, Tour de Lombardie, puis bien sûr le Tour de France, qui nous intéressera cet été. Mais Liège-Bastogne-Liège, c'est la prochaine grande étape et ce sera dimanche prochain. Ça va revenir très très vite. Enfin pas cette semaine, mais la semaine prochaine, tout du moins. En tout cas, ça va revenir assez vite. Ce Liège-Bastogne-Liège. Et puis il y aura ensuite le tour de Lombardie un petit peu plus tard dans la saison qu'on retrouvera avant bien sûr le Tour de France. À noter qu'avait lieu aussi le Paris-Roubaix féminin sur ce week-end. C'est la Française Pauline Ferrand-Prévot, la récente championne olympique à Paris, qui s'est imposée. La Française qui s'impose devant l'Italienne Borghesi avec presque une minute d'avance. Donc très grande course de la Française qui était présent pour ce Paris-Roubaix donc, et qui s'impose avec un peu de difficultés malgré sa blessure. Elle a réussi à s'imposer, donc bravo à elle, la Française qui remporte ce grand tour. On continue maintenant avec du handball. Je vous le disais, Saran qui a vécu des émotions différentes en Pro League lors de cette semaine, puisqu'il y avait deux matchs dans la semaine, c'était assez rare d'ailleurs. Premier match, le déplacement à Besançon, qui s'est soldé par une défaite, 36-34. Il fallait rebondir à domicile samedi, chose faite, victoire face à Angers 31-26. Le classement, ça bouge très peu puisque Dijon, eh bien, c'est bien comporté aussi. Donc, reste leader à 40 points. Frontignan en deuxième, 38 points. Célestat, troisième, avec 37 points. Et puis, Saran reste quatrième avec 34 points. Avec toujours un match de retard. Donc, il faudra compter aussi sur ça pour essayer de remonter un petit peu plus haut. Et pourquoi pas aller chercher la remontée directe. On n'en est pas là, mais c'est bien sûr l'objectif toujours qui est en tête pour les Saranais. La suite de la saison, il reste encore quelques journées, il nous en reste précisément 4 journées à jouer en fin de saison. Ça va arriver vite maintenant avec les playoffs qui vont se dérouler ensuite. Saran ira à Sarrebourg, ce sera samedi à 20h30, samedi à 20h30 pour ce déplacement donc à Sarrebourg. Au classement, c'est une équipe qui est 13e, donc alors le maintien non, parce que c'est déjà fait avec Angers qui est loin hein, mais en tout cas qui va peut-être poser quelques difficultés à cette équipe de Saran. Donc il faudra absolument remporter la victoire pour espérer mieux. Et puis ensuite, si on voit un petit peu plus loin, il y aura Pontault-Combault à domicile pour la prochaine réception, où on rappelle ce sera à l'Arena hein, puisqu'on aura un showcase qui sera présent. Et puis ensuite il y aura Cherbourg et enfin à l'extérieur, Célestat. Voilà ce qui attend Saran pour cette fin de saison. Célestat qui sera un concurrent direct, bien sûr. Donc voilà ce qui attend Saran jusqu'à la fin de la saison. On a parlé de la Pro League, un mot en Star League maintenant, puisque Paris reste encore leader à l'issue de cette journée, puisque Paris s'est imposé hier face à Toulouse. 36-25, pas de changement derrière. Nantes a gagné, Montpellier aussi, donc on reste toujours au statu quo. 43 points pour Paris, Nantes 40 points, Montpellier 39. Voilà où est-ce qu'on en est dans cette saison, avec encore là de nombreuses journées à jouer, puisqu'on n'aura pas de play-off, on le rappelle. Donc 7 journées encore à jouer dans ce championnat de Star League. Chez les femmes, pas de changement, toujours Metz en tête et Brest deuxième. Finalement c'est assez classique, bien sûr. Et puis Ligue des Champions la semaine prochaine pour les quarts de finale, on rappelle, où on aura bien entendu Nantes qui sera présent, qui affrontera le Sporting. On en reparlera, mais en tout cas voilà, on en est là. Et puis cette semaine, ce sont les quarts de finale aller pour les filles en Ligue des Champions. Metz qui affronte Brest, voilà, c'est la confrontation 100% française, match aller à Brest. Donc ce sera ce samedi à 18h, et le match retour aura lieu le dimanche 27 à 14h. Voilà, on en reparlera bien entendu de ce résultat la semaine prochaine. Quart de finale de la Ligue des Champions féminine. Voilà pour le handball, ce qu'on pouvait en tout cas en dire ce soir. Tiens, une dernière info handball avec Vincent Gérard qui va sortir de sa retraite et puisqu'il va signer au FC Barcelone. Voilà, rappelle qu'il avait pris sa retraite à l'issue des JO de Paris. Et voilà, il a du coup signé avec le Barça en qualité de joker médical jusqu'à la fin de la saison. Donc il a 38 ans, il retrouve un club et pas des moindres puisque c'est le FC Barcelone. Donc voilà, on espère que il va pouvoir encore jouer de nombreux matchs et sortir encore des gros matchs. Donc on verra ça en tout cas. Et il va en tout cas finir la saison avec le Barça et peut-être plus, on verra, à 38 ans, où est-ce qu'il peut aller. Du basket maintenant avec la Pro B, là aussi je vous le disais pour Orléans, deux matchs dans la semaine, deux résultats différents. D'abord, une défaite du côté de Poitiers qui a fait un petit peu tâche hein, face à une équipe moins bien classée, 72-19-71. Et puis heureusement ça s'est mieux passé à Évreux vendredi, ça a été compliqué quand même, victoire 76-73 face à l'avant-dernier du championnat. Donc c'est pas un super résultat, même si ça reste une victoire, mais il fallait gagner, ça c'est sûr. La mauvaise nouvelle, c'est que devant, eh bien Blois a gagné et Blois reste du coup devant avec une victoire d'avance. Boulazac reste deuxième, mais qui a un match de moins à jouer, hein, qui n'a pas joué lors de la journée du début du milieu de semaine, donc qui pourrait rejoindre Blois en haut, donc en cas de victoire. Donc mauvaise opération comptable pour Orléans sur cette semaine avec cette défaite à Poitiers. Il reste quand même des matchs, donc rien de rédhibitoire, mais ça va se resserrer maintenant puisqu'il reste 5 journées, 5 finales pour essayer de prendre cette première place et s'éviter des playoffs pour remonter, et sinon il faudra y passer par ses playoffs quoi qu'il arrive pour essayer d'arracher ce deuxième billet pour la Pro, pour la Betclic Elite. Vendredi, eh bien ce sera la réception de Pau Lac Orthez, une équipe qui est juste derrière, un sixième, qui joue plus que jamais aussi les playoffs, donc un match très important quand même. Ce sera donc vendredi, je vous confirme ça, mais a priori ce sera bien ça. Non, c'est samedi, voilà, samedi à 20h à l'Arena, donc pour cette rencontre d'Orléans, donc pour la 34e journée de Pro B, pour grappiller des points encore et espérer des faux pas devant pour tout simplement essayer d'aller chercher cette première place, bien sûr, en fin de saison. Dans l'élite, eh bien, pas de changement en haut. L'ASVEL, Monaco et Paris sont co-leaders. Voilà, les trois équipes à égalité, hein, donc dans ce championnat. Donc ça ne bouge pas. Il reste là aussi 5 journées avant la fin de la saison. Donc voilà, pour l'instant ça ne bouge pas dans l'élite. Mais bon, bien quoi qu'il arrive, il y aura des playoffs, ça c'est sûr. Donc voilà, rien n'est joué évidemment. Un mot de l'Euroleague puisque ça y est, on va attaquer les quarts de finale hein, avec la semaine prochaine et puis cette semaine l'accession peut-être pour Paris. On l'espère. Pour alors on rappelle un petit peu le format. On avait 34 journées qui se sont déroulées. Monaco s'est qualifié à l'issue de ces 34 journées à 4e place. Paris a fini 8e. Donc Paris joue ce qu'on appelle les play-in. Donc on va mettre aux prises le 7e et le 8e. Et puis de l'autre côté, on va aussi mettre aux prises le 9e et le 10e. Tout ça pour essayer de récupérer une place. Et donc Paris va affronter le Real Madrid pour tout simplement essayer de se qualifier directement. Ça, ce sera l'objectif. Celui qui va s'imposer prendra la 7e place qualificative. Donc ça, ce sera demain à 21h, donc au Real Madrid pour Paris. Si Paris s'incline, eh bien Paris jouera un autre match face au vainqueur du match entre le Bayern et les Belgrades, qui eux ont terminé donc 9 et 10e. Et il faudra absolument gagner celui-ci pour prendre la 8e et dernière place qualificative. Voilà un petit peu le format de cette Euroleague. On en parlera, c'est la même chose en NBA d'ailleurs depuis quelques saisons. Donc s'il y a défaite demain, ce sera pas rédhibitoire, mais il faudra absolument gagner le match suivant. Donc demain, donc Real Paris, ensuite on aura Bayern Belgrade, et puis le dernier match qui va mettre aux prises le vainqueur de Bayern et Belgrade face au perdant de Real Paris. Voilà, vous aurez compris, celui qui gagnera ira en quart de finale, l'autre s'arrêtera là dans cette Euroleague. Ce sera ensuite le 18 avril, ce match ce barrage final, ce sera le vendredi 18 avril. Voilà, donc on en saura plus demain pour Paris. Une victoire, et c'est fait, et sinon il faudra s'arracher vendredi pour se qualifier et rejoindre donc Monaco dans ces quarts de finale, Monaco qui attend son adversaire, qui attend peut-être son compatriote, mais qui affrontera le Barça, ça on le sait, pour les quarts de finale, donc face au Barça qui a terminé cinquième. Ce sera le 23 avril prochain, c'est mercredi prochain, donc ce match-là à 20h à Monaco. Ça c'est la bonne nouvelle pour ces quarts de finale de l'Euroleague. Voilà la bonne nouvelle en tout cas en ce qui concerne donc cette équipe de Monaco. Chez les filles en Euroleague, victoire de Fenerbahçe, c'était hier. L'équipe turque s'est imposée face à Valence. Donc victoire de Fenerbahçe dans l'Euroleague, c'est déjà terminé pour les filles. En Eurocoupe, eh bien, c'est fini aussi. C'est le Maccabi, l'Hapoël Tel Aviv, pardon, qui s'est imposé. C'était le vendredi le match retour, donc deux victoires sur les deux matchs, donc pas de débat. Donc pour l'Eurocoupe et puis chez les en Ligue des Champions, pardon, chez les hommes, c'est fini aussi fin de parcours malheureusement pour Nanterre qui était engagé en quart de finale, qui a perdu à Athènes 76-69. Donc ça s'arrête là. On n'aura pas de club français dans le dernier carré de cette Ligue des Champions de basket cette saison, malheureusement. Ça s'arrête là. Et puis enfin, en Eurocoupe, on l'a dit, hein, Villeneuve d'Ascq avait gagné la finale chez les filles. Donc on aura au moins un titre quand même qui reviendra à Nation de France pour cette Eurocoupe féminine. Voilà pour être complet sur les Coupes d'Europe. Et puis en NBA, ça y est, fin de saison régulière avec les derniers matchs qui se sont joués cette nuit. Les qualifiés donc à l'Est, Cleveland qui a terminé en tête, Boston, New York, Indiana, Milwaukee et Détroit donc sont qualifiés pour la suite. Comme on l'en a dit en Euroleague, eh bien des play-in auront lieu avec Orlando 7e qui va affronter Atlanta. Voilà, et puis Chicago Bulls face à Miami. Et voilà, encore une fois, on vous l'a dit, hein, le vainqueur de Orlando Atlanta se qualifie directement, qui prend la 7e place qualificative. Et puis le perdant affrontera le vainqueur de Chicago Bulls Miami pour la 8e et dernière place. Voilà, donc les matchs ce sera mercredi et jeudi. Et puis on va dire le barrage final, ce sera ce week-end pour connaître le qualifié. À l'Ouest, qualification haut la main de Oklahoma City en tête, Houston, les Lakers, Denver, Los Angeles, les Clippers, donc Minnesota se qualifie. Puis pour Golden State Warriors face à Memphis pour le barrage, et puis on aura Sacramento, Dallas pour l'autre barrage. Là aussi, vous l'aurez compris, le vainqueur des Warriors de Memphis se qualifie, puis le perdant affrontera le vainqueur de Sacramento, Dallas pour la dernière et 8e et dernière place qualificative pour les playoffs qui eux démarreront bien dès la semaine prochaine. Ça va s'enchaîner très très vite. Voilà pour l'NBA. On va attaquer tranquillement les phases finales maintenant, après ces 82 matchs par franchise pour cette saison. Voilà le basket, tout le point complet de ce qui s'est passé tout au long du week-end. On va parler de rugby maintenant, puisqu'il s'est passé beaucoup de choses. C'était les quarts de finale des Coupes d'Europe, voilà, avec des clubs français qui étaient engagés. Qualification de Bordeaux-Bègle, qui s'est qualifié haut la main en battant le Munster 47-29. Et puis le choc, c'était hier après-midi entre Toulon et Toulouse. C'était vraiment un gros choc. Jusqu'au bout du bout, ça s'est joué. Hein. Toulouse finalement s'impose dans le Money Time 21-18. La faute à Thomas Ramos qui a été déterminant sur le dernier coup de pied de pénalité suite à une... Alors non, il y a une faute de main de Gamin Villière, hein, qui finalement a été pris sur la fin de match, hein, toute dernière seconde. Et puis Thomas Ramos n'avait pas fait prier pour s'imposer. Et finalement, Toulouse s'en sort miraculeusement. C'est cruel pour Toulon, évidemment, qui aura fait un gros gros match. Mais Toulouse continue l'aventure dans cette Coupe d'Europe qui avait déjà remporté l'édition précédente, hein, avec 6 victoires déjà dans cette édition de trophée des champions. Et ben, ils continuent l'aventure puisque c'est une qualification. On a aussi donc Northampton s'est qualifié et puis Leinster s'est qualifié. Les demi-finales, donc Bordeaux-Bègle, Toulouse, ça c'est vraiment le choc, hein, le dimanche 4 mai. L'autre demi-finale, Leinster-Northampton, ce sera le samedi 3 mai. Donc Bordeaux-Bègle, Toulouse, c'est vraiment le choc, hein, entre tout simplement les deux meilleures équipes du championnat, hein. Toulouse est en tête, Bordeaux-Bègle deuxième, donc on attend vraiment ce choc avec impatience donc début mai. Et puis dans l'autre compétition, la Challenge Cup, là aussi deux clubs français qualifiés. Lyon qui s'est qualifié en battant les Ospreys 20-18, ça a été une course victoire mais ça passe. Et le Racing aussi s'est battu et s'est imposé en battant le Connacht 43-40. Enfin, deux gros matchs vraiment. Le Racing d'ailleurs qui a joué tout le match à 14 contre 15 hein, avec une expulsion d'Elde à 13e minute. Voilà, donc bravo en tout cas à eux. Et puis Lyon aussi qui a réalisé une grosse performance pour se qualifier. Donc les deux s'affronteront dans cette demi-finale le 4 mai. Donc Lyon Racing et puis Édimbourg Basse, ce sera la rencontre de l'autre demi-finale le samedi 3 mai. Retour du top 14 ce week-end sinon, puisque ça y est, on va reprendre tranquillement la fin de ce championnat avec encore 6 matchs, 6 journées. 6 matchs donc pour essayer de se qualifier pour les playoffs et pour ne pas descendre aussi. Rien n'est joué en haut. Pour l'instant, Bordeaux-Bègles, je vous l'ai dit, et Toulouse sont en tête. Toulon 3e, Bayonne-Castres pour l'instant mène la suite du classement. Clermont et pour l'instant 6e, et après Lyon, Montpellier, Pau, tout ça peut encore se qualifier, même La Rochelle, hein, tout est encore possible pour ces équipes pour se qualifier. Stade Français reçoit Toulouse dimanche, qui n'est pas sauvé encore, hein. Vannes 30 points, Perpignan 32 points et Stade Français 36, donc ces trois-là sont pas tout à fait à l'abri pour le maintien. Et on aura Toulon, Clermont qui sera la rencontre de samedi soir. Voilà, donc 21e journée de top 14. Ce sera ce week-end. Et puis enfin du tennis. Je vous le disais tout à l'heure en ouverture, eh bien la victoire hier dans la finale de Monte-Carlo de Carlos Alcaraz, qui a battu Lorenzo Musetti l'Italien en 3 manches. 3-6, 6-1, 6-2 l'a déroulé. Bah, vraiment l'Espagnol après la perte de la première manche. Premier sacre pour lui à Monte-Carlo. Voilà, donc en tout cas il est vraiment le dessus physiquement après la perte du premier set, l'Espagnol qui s'impose donc et qui reprend la deuxième place au classement devant donc Zverev, senior toujours en tête, qui d'ailleurs a été autorisé à reprendre l'entraînement officiellement de sa suspension. Il sera de retour début mai pour la compétition, mais en tout cas il peut reprendre désormais l'entraînement. Derrière on retrouve donc Zverev 3e, Fritz 4e, Novak Djokovic reste 5e, Trapper 6e, Demineur, Rublev, Medvedev, Ruud Carter fils 14e ce lundi. Donc cette semaine Barcelone au programme, Alcaraz sera engagé, Casper Ruud la tête de série numéro 2. Les Français, c'est fini pour Petit Pays Ricard, il a perdu aujourd'hui en 2 manches. On aura Arthur fils demain face à Pablo Carreño Busta l'Espagnol. Arthur Hinderneck aussi sera demain opposé à Djere pour une qualification pour le deuxième tour. Sinon, présence de Tsitsipas, notamment pour les gros stades de série. Wawrinka aussi invité, enfin, Davidovic, voilà les principaux joueurs qui seront engagés cette semaine à Barcelone et puis à Munich. On aura Zverev donc, qui est qualifié pour le deuxième tour, a battu Muller le français au premier tour. Shelton aussi s'est qualifié pour la suite. Et puis pour côté français, Hugo Humbert sera le seul français encore en course. Et on l'a appris, Gaël Monfils a dû déclarer forfait pour Munich alors qu'il devait affronter Damir Shapovalov. Voilà, il est trop juste physiquement après son combat sur Monte Carlo. Il a donc dû et bien déclarer forfait pour ce tournoi. Voilà, et puis peut-être sera-t-il présent à Madrid, ce sera le tournoi de la semaine prochaine. On en reparlera bien entendu. Et puis toujours en tennis chez les filles, malheureusement ça n'est pas passé pour les Françaises dans la Billie Jean Cup où elles étaient engagées pour les barrages. Elles ont terminé deuxième de leur groupe, les Françaises on rappelle qu'elles sont en deuxième division, et elles sont inclinées malheureusement face à la Turquie. Et elles ne seront pas de retour face à la Belgique, pardon, en 2 manches. Elles ne seront pas de retour dans l'élite après cette défaite dans le barrage. Voilà pour les filles. Puis cette semaine pour les filles, eh bien on continue aussi bien entendu la saison avec de la terre battue aussi avec Stuttgart, notamment le tournoi principal de la semaine avec la numéro 1 mondiale Sabalenka et Swiatek, la numéro 2 mondiale, qui sera donc également présente. En revanche, pas de Françaises engagées sur ce tournoi. Voilà pour le tennis. On marque une pause et on se retrouve après avec Hugo qui va nous retrouver bien entendu pour eh bien la partie foot. Et je vous l'ai dit, il y a encore plein de choses ce soir qui va nous intéresser. Et puis on va également revenir sur les directs qui vont démarrer dans 15 minutes pour Bastia Laval, pour Naples-Empoli, puis pour les autres matchs. On en reparlera dans un instant. Bien sûr, ça sera juste après une petite pause et on va retrouver donc Hugo avec nous pour cette heure et demie à suivre. Et puis les pronostics, on ne les oublie pas. Ce sera bien sûr en fin d'émission avec la journée qu'on va pronostiquer ensemble. Allez, c'est parti, une pause. C'est tout de suite, ça va démarrer. Alors ça n'a pas démarré, ça va démarrer dans quelques secondes le son. Je vous rappelle également Pornemousse-Felham, c'est donc 21h cette rencontre, et puis Atlético Valladolid, il faudra gagner pour Atlético, je le disais, pour eh bien tout simplement revenir à 3 points du Real, et puis la Ligue des Champions bien sûr, on n'oublie pas, on en parle. Les quarts de finale qui se sont joués, ceux qui arrivent, match retour, ce sera la suite de ce programme. Allez, pour nous joindre, je vous rappelle également 02 38 434 800 02 38 434 800 pour nous écouter radio-arc-en-ciel.com. Voilà les possibilités pour nous joindre et pour nous écouter. Allez, Cool and the Gang, c'est Celebration à l'instant et on se retrouve donc dans 3 minutes et Hugo qui nous retrouve pour le foot. À tout de suite. The Gang Celebration, instant pour le son. Il est 20h35. On est tout petit peu en retard, mais on va retrouver Hugo tout de suite pour le foot et nous rejoint jusqu'à 22h. Salut Hugo. Salut Rémi. Bonsoir à toutes et à tous. Ça va ce soir? Ça va très bien. On entame encore une nouvelle semaine de foot qui nous promet justement du beau spectacle, je pense, en Coupe d'Europe notamment. Donc ouais, tout va bien, tout va bien. Très bien, bah on va débriefer tout ça, la Ligue des Champions justement, et puis bah tout ce qui s'est passé dans les championnats européens, en France aussi. Les directs, on va en suivre 4. Alors on va avoir les débuts de match dans 10 minutes de la Ligue 2, donc Bastia-Laval. On n'a pas d'enjeu, hein, je le disais, pour la montée c'est trop loin. Le maintien est déjà assuré, donc voilà, c'est des matchs sans enjeu pour ce Bastia-Laval. On aura aussi donc Naples Empoli, ça c'est pour le coup il y a beaucoup d'enjeux hein, pour ce match. Pour Naples, il s'agira de revenir à 3 points de l'Inter qui s'accroche, hein, qui a gagné encore, on en parlera face à Cagliari. Donc ça c'est un match important pour Naples. Et puis pour Empoli, bah là aussi c'est important de marquer des points. Pour l'instant ils sont encore relégables à 2 points de Lecce 17e. Donc voilà, l'enjeu il est important pour les deux ce soir dans ce match. Et puis un petit peu plus tard à 21h, on aura donc l'Angleterre avec Bournemouth Fulham. Voilà, il y a peut-être un peu d'enjeu quand même pour Fulham pour essayer d'aller récupérer quelques points pour aller s'offrir une fin de saison rêver avec pourquoi pas une Coupe d'Europe. Voilà, ce sera l'enjeu. Justement, je serai devant hein, pour suivre le match en direct Bournemouth Fulham. Et ben voilà, 21h. Et puis Atlético Valladolid. Là aussi, de l'enjeu pour l'Atlético, revenir à 3 points du Real. Bon, Valladolid, on va pas se le cacher, c'est quasiment fini déjà hein, avec 14 points de retard donc sur Alavés qui est 17e, donc il n'y a plus trop d'enjeux pour Valladolid. Pour l'Atlético, il faut absolument gagner ce match. Voilà les directs que l'on va suivre donc tout à l'heure. Et puis commençons à débriefer. On va parler des Coupes d'Europe hein. On va revenir chronologiquement sur ce qui s'est passé mardi avec donc les quarts de finale aller. On attendait bien sûr beaucoup de Arsenal Real et puis on avait également Bayern Inter. Commençons avec Arsenal Real hein, qui était le choc que l'on avait attendu. Le résultat, c'était peut-être pas celui qu'on attendait, justement, cette victoire 3-0 d'Arsenal. Alors le Real qui est au pied du mur, mais comme on le sait, Arsenal à chaque fois au pied du mur, ils réagissent, mais est-ce que ce sera le cas? On va déjà parler de ce match, donc 3-0, Arsenal qui fait le match parfait presque en fait. Et ouais, forcément, de toute façon, gagner 3-0, mine de rien, en quart de finale, aller à la maison, de toute manière, il n'y a plus cette règle du but à l'extérieur, donc effectivement, il y a encore 3-4 ans, c'était encore un meilleur résultat, encore plus de pas prendre de but comme ça à la maison, au match aller, et voilà. Mais voilà, forcément, gagner 3-0 au match aller, un quart de finale de Ligue des Champions, c'est forcément une excellente opération. Parce que voilà, même si depuis surtout 2017 et la vraie remontada du Barça face au PSG, il y en a eu quelques-unes hein, depuis hein, en Ligue des Champions, donc on a l'impression vraiment que ça a aussi démocratisé un petit peu ça, ou en tout cas fait prendre part aux joueurs, fait prendre conscience aux joueurs, aux staff, aux entraîneurs, que tout était possible dans le football, encore plus que ça pouvait l'être avant. Donc et surtout à Bernabéu, on le sait, dans un match retour où tout peut se passer. Donc effectivement, c'est pas non plus la qualification à 100% pour Arsenal après ce 3-0, mais effectivement il y a quand même au moins un pied déjà en demi. Voilà, pour revenir sur le match. Un match en demi-teinte, dans le sens où effectivement, à la pause, il y avait 0-0. La première période était honnêtement, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, pas dingue. Arsenal a globalement dominé cette première période quand même, avec notamment un Bukayo Saka qui était agité sur son flanc droit, qui a été important effectivement dans l'animation offensive des Gunners dans cette première période. Son retour, il fait vraiment du bien pour cette attaque en général d'Arsenal. Mais ça s'est vraiment ressenti, ce manque du véritable numéro 9 côté Gunners durant cette première période, voilà, avec les différentes blessures, le fait de mettre Merino toujours en pointe, alors que c'était pas du tout un attaquant ou un finisseur à la base, mais on y reviendra plus tard en cette période avec ce qui va se passer. Mais voilà, une première période, j'ai dit pas dingue, presque soporifique, même si j'ai dit il y a eu quelques bonnes offensives côté Arsenal. Voilà globalement ce qu'on peut retirer de la première période. Après, la seconde période est beaucoup plus ouverte, effectivement. Est-ce qu'il y a besoin de revenir sur les deux coups francs de Declan Rice qui sont incroyables, magistraux? Rien que le premier, comment il enroule sa balle. Alors le mur, oui, est peut-être pas très bien placé de la part de Thibaut Courtois. Ok, mais elle est quand même excellemment bien courbée, cette frappe. Julien. Je dirais pas à la Roberto Carlos non plus, parce que bon, voilà, on compare ce qui est comparable, mais il y a un air et elle est superbement bien placée. Elle frôle le poteau, elle est très très bien placée dans le petit filet, à mi-hauteur. Imparable pour Courtois. Puis bah, le deuxième, là c'est vraiment, enfin je sais pas ce que t'en penses, mais là on frôle la perfection. C'est vraiment dans l'angle, dans la toile d'araignée, comme on dit. Ah oui, il est encore plus beau, ouais. Ouais. Mais il est magnifique, bah déjà parce que oui, il est en pleine lucarne, comme je dis, dans l'angle. Là, franchement, alors, non seulement il y a la précision, mais la vitesse, enfin la puissance de la frappe, en plus. Ouais. Ça, c'est assez dingue. Et pour un joueur qui n'avait jamais marqué sur coup franc, justement, je crois, Declan Rice, la stat est sortie directement le soir même. C'était un joueur qui n'avait jamais marqué sur coup franc. Donc c'est vrai que c'est assez dingue de le voir non seulement marquer un excellemment bien tiré, et encore deux qui sont parfaits. C'est vrai que c'était vraiment fou. C'était vraiment fou. Tu vois, puis ce troisième but, je l'ai dit, je voulais revenir dessus. Évidemment, il n'y avait pas de numéro 9, encore une fois, ce soir-là, pour Arsenal, mais ça devient une habitude depuis les blessures, on va dire, depuis la mi-saison. Voilà, Merino à l'instinct, qui réalise un vrai geste d'attaquant quand même, pour le coup, en ouvrant son pied, voilà, plutôt en retrait, alors que son corps est quand même relativement incliné sur le côté donc, par rapport au but. Donc c'est vrai que c'est quand même compliqué vraiment de la reprendre. C'est pour ça que je dis que c'est un geste d'attaquant, c'est que honnêtement, c'est pas un geste facile. Ce troisième but, et son tir est aussi rapide, il est fluide, et il est surtout placé, encore une fois, au millimètre aussi. Ouais. Ce Courtois, qui est grand, justement, peut même pas aller la chercher, c'est imparable également. Donc, c'est la même chose, c'est un très beau troisième but aussi, d'Arsenal, de Merino. Et voilà, et je voulais en venir aussi là, c'est que, justement, ce qui est inquiétant côté Madrid, c'est que malgré ces trois buts encaissés, Courtois a fait un excellent match, quoi. Enfin, sur les trois buts, honnêtement, il n'y pouvait rien. Encore une fois, peut-être sur le placement de son mur, notamment sur le premier coup franc. Mais physiquement, factuellement, lui, sur sa ligne, ce qu'on veut, moi, j'ai rien à lui reprocher sur ce match. Mais il sort. Il y a une action avant le deuxième but, je crois, incroyable, où il sort deux parades. Je sais plus. C'est, je crois que c'est Asensio qui en sauve une sur la ligne, sur la même action. Enfin, il y en a d'autres, hein. Je retiens celle-ci parce qu'il y a eu, c'était une triple occasion, mais il y a eu d'autres occasions où, quand toi, il a fait un match, hein, mais, enfin. Ah, mais très bon, bah. Je sais pas combien il a eu comme note, mais il a dû, enfin, même malgré les trois buts, il a fait un match incroyable, quand même. Ouais, pareil, j'ai pas les stats des arrêts sur le match, je sais pas si tu peux me retrouver ça, là, en attendant, Cinq arrêts. Ouais. Bon, c'est pas exceptionnel, effectivement, mais non, mais vraiment, sur le match. Cinq arrêts, mais décisif, quoi, quand même. Voilà, c'est ça en fait, c'est décisif, parce qu'Arsenal, encore une fois, avec beaucoup d'attaquants absents, Arsenal a été dangereux, a été très bon dans le dernier geste, et Courtois a été excellent. Et voilà, c'est dire aussi l'inquiétude qu'on peut avoir par rapport à la défense madrilène également, même si Asensio, justement, t'en parlais, je trouve n'a pas été mauvais. Voilà, je pense que Rudiger a quand même aussi des lacunes, je pense. Voilà, je trouve pas vraiment extrêmement serein. Et puis voilà, j'aurais dire un mot sur Ancelotti aussi. Ancelotti qui est sans idée, mais après, ce qu'on peut vraiment lui reprocher, parce que même à 3-0, en fait, il fait des changements, mais il fait rien d'autre que des changements poste pour poste. Sauf qu'à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est de changer tactiquement quelque chose, c'est essayer de pas faire du poste pour poste, parce que bah, en fait, ça sert à rien, même si tu fais rentrer un joueur potentiellement meilleur ou plus frais à la place d'un autre joueur à son même poste, mais enfin, ça n'a pas changé grand chose au final. C'est là, il fallait un changement tactique pur, quoi. Mais voilà, dans le sens où je n'en veux pas, parce que on a bien vu pendant une dizaine d'années au PSG, c'est compliqué, voire presque impossible de bien composer tactiquement quand tu as une équipe avec autant d'ego. Donc forcément que oui, il peut pas se permettre sous peine d'avoir après des conséquences imparables. Je peux pas te permettre de faire sortir des mecs comme Mbappé, comme Vinicius, comme Bellingham, comme Rodrigo presque aussi, même si lui c'est un peu plus petit, mais effectivement c'est compliqué, voilà, quand t'as un coach, même au Real Madrid, avec des égos comme ça, encore si on avait qu'un ou deux, mais il y en a 3-4 encore une fois. Voilà, Vinicius, Mbappé, Bellingham. Comme je l'ai dit, peut-être Rodrigo, si on peut le mettre dans le panier, mais encore Rodrigo, c'est le bon élève, quoi. Depuis le début de saison, c'est lui qui en paye le prix, c'est lui qui sort à chaque fois, par rapport aux trois autres, voilà. Donc forcément pour Ancelotti c'est compliqué de composer avec une équipe comme ça. Maintenant, pour le match retour, je sais pas si on en dira un mot tout à l'heure en fin d'émission, je sais pas, mais encore une fois, tout est possible à Bernabéu, on le sait, on l'a vu encore il y a un an, il y a deux ans. Donc entre guillemets rien n'est fait, même si bien sûr qu'Arsenal a fait un gros boulot, un gros bout du job. Et voilà, mais en tout cas un très bon match d'Arsenal et le Real Madrid qui est vraiment passé totalement à côté. Mbappé a fait ce qu'il pouvait, il a été présent, on l'a vu quand même. Mais par rapport aux autres, encore une fois, à Vinicius, à Bellingham, Mbappé, voilà, il sortait un petit peu du lot par rapport aux autres. Mais c'est un match sans du Real. Et on en parlera tout à l'heure au championnat, mais ils ne sont pas vraiment rassurés non plus en championnat ce week-end, même s'ils ont gagné. Mais ils ne sont pas vraiment rassurés. Alors la stat qui illustre un peu ce que tu dis, c'est que Arsenal, 12 tirs, 11 cadrés. C'est fou, ouais. Hein. Et Real, 9 tirs, 3 cadrés hein, seulement. C'est trop peu. Bah voilà, alors qu'au Real, t'avais les attaques. Bah, t'as tes superstars de classe mondiale, t'as tes attaquants de classe mondiale qui sont là. Et encore une fois, contre Arsenal, t'as plein d'absents toujours. Jesus, Martinelli, puis j'en oublie, encore quelques-uns. Mais même s'il y a le retour de Bukayo Saka, qui a fait grandement du bien, je l'ai dit tout à l'heure. Martinelli, hein. Ah oui, non, j'ai dit Martinelli, non, je me suis gouré, oui, c'était pas. Oui, il a fait son retour aussi, Martinelli. Non, mais j'ai plus son nom aussi à celui auquel je pensais. Mais il y a encore beaucoup d'absents offensivement côté Arsenal. Et Averse, voilà, c'est Averse. C'est Averse ce que je voulais dire. Voilà, t'as encore des absents de marque côté Arsenal. Et pourtant, voilà, oui, offensivement, tu t'en sors largement mieux et t'as fait un énorme match par rapport au Real. Donc voilà, une grosse partie du job a été faite encore une fois, mais on sait que Bernabeu c'est autre chose et que ça peut vite tourner. Donc hâte d'être mercredi quand même parce que je sens qu'il peut se passer quelque chose de pas mal. Et même si je ne souhaite pas Arsenal qu'il se fasse éliminer, mais je pense que le scénario peut être sympa. Et puis le Real qui devra faire sans Camavinga, alors exclu, mais de toute façon qui avait pris un jaune qui était déjà suspendu et qui a pris ensuite un carton rouge, donc il sera absent, donc il faudra composer aussi sans Camavinga. Bon, j'imagine que Tchouaméni prendra son poste. Hein. Tchouaméni a fait un bon match ce week-end, d'ailleurs on en parlera peut-être après aussi, et Camavinga qui a été plutôt bon aussi ce week-end en championnat, donc c'est vrai que c'est quand même dommage aussi parce que les deux ensemble, mine de rien, les deux Français ensemble, ils ont plutôt des automatismes forcément ensemble, donc c'est vrai que c'est dommage que Camavinga puisse pas composer avec lui, mais effectivement le retour de Tchouaméni fait du bien pour le Barça, pour le Barça, pour le Real. Réponse mercredi, donc on en reparlera tout à l'heure, ouais. Un petit peu, mais en tout cas réponse mercredi. Notre match, donc Bayern Inter, on avait longuement évoqué aussi ce match. Voilà, l'Inter qui a pris une option hein, sur la qualif en gagnant 2-1, mais là vraiment rien n'est fait, il faudra tout faire au retour. Et voilà, c'est un petit peu en fin de match que ça s'est un petit peu accéléré avec ces deux buts, mais voilà, en tout cas rien n'est fait, même si le retour sera en Italie. Ouais, exactement, c'est une très bonne opération de l'Inter, parce que c'est vrai qu'ils ont été relativement malmenés globalement dans ce match par le Bayern. Surtout en première période où le Bayern a été quand même très très très dangereux. Il y a notamment eu un poteau hein, touché par Harry Kane, qui manque une occasion que d'habitude il. Ah oui, celle-ci elle est incroyable. Transformée. Incroyable. Elle est incroyable, hein. Le poteau qui touche là, il ouvre un peu trop son pied. Il met toujours celui-ci, ouais. Bah, d'habitude, ouais. Et puis, bah, ils se font punir après. Hein. Lautaro qui marque un superbe but, très bien construit, un très bel extérieur du pied, un petit peu paillettesque, j'ai envie de dire. Si tu te rappelles du but de Payet contre Leipzig en 2018, en Europa League, en demi-finale. Le but du 2-2 ou du 3-2, non, je sais même plus, mais le score qu'il y avait à ce moment-là, Marseille et Leipzig, mais c'est un peu un but comme ça. Extérieur du pied, sous la barre, magnifique. Voilà, donc ce but-là qui fait mal au Bayern, hein, juste avant la pause, enfin 5, 6, 7 minutes avant la pause. Et puis voilà, puis il a fallu attendre la fin de match hein, pour que l'éternel Thomas Müller, qui voilà joue ses derniers matchs avec le Bayern, qui égalise. Et puis dans la foulée, c'est un peu cruel pour le Bayern, encore une fois, parce que c'est vrai que sur l'ensemble du match, il aurait mérité au moins d'accrocher le nul. Mais l'Inter qui voilà, s'en remet à son entrant Fratesi et qui vient marquer. Le but du 2-1, après, je dis pas que c'est immérité non plus pour l'Inter, mais l'Inter a quand même été vraiment mise sous pression globalement. Ils ont tenu défensivement aussi. Mais le Bayern a quand même loupé loupé le coche sur ce match, a manqué d'efficacité dans le dernier geste, ce qui est rare quand même chez cette équipe, surtout quand t'as Harry Kane devant. Mais notamment le joueur de côté qui, toujours dans la finition, pêche un peu. Olise, pareil, même ce week-end, on en reparlera sur Fofana, ouais. Mais Olise qui pêche pas mal dans la finition. Sané, encore une fois, bah, je le dis chaque semaine, de toute façon, je me répète, mais il te fait un excellent match une fois sur cinq, ou sinon, bah, tu le vois beaucoup, mais il est très maladroit dans la finition. Et voilà, et ça a été le cas sur ce match aller contre l'Inter, et l'Inter prend une belle option, effectivement, avant le match retour à Giuseppe Meazza. Donc voilà, je pense que le Bayern peut peut-être pas s'en mordre les doigts, mais en tout cas regretter, oui, de ne pas avoir marqué au moins deux buts sur ce match-là. Là aussi, réponse mercredi, donc 21h pour ce match retour. Mercredi maintenant, on finira avec Paris, bien sûr. On va Barça à Dortmund, là, voilà, il y a peut-être plus de suspense pour le match retour. Le récital du Barça, voilà, on avait parlé de ce match aussi, hein, face à Dortmund. Moyen cette année, hein, cette saison, donc c'est pas surprenant, et bah, Barça était trop fort, hein, tout simplement. Oui, bah voilà, il s'est passé un petit peu ce qu'on attendait. Le Barça, oui, trop fort par rapport à Dortmund qui est voilà, en méforme globalement et qui ne réalise pas évidemment une grande saison. Voilà, il n'y a pas énormément de choses à dire, hein. Le Barça a dominé cette partie. 60% de possession à 40, voilà, 18 tirs à 13, un très bon Lewandowski qui a marqué un doublé. Rafinha aussi qui a fait un très bon match, qui a ouvert le score. Voilà, quatrième but de Yamal à son 17e. Mais globalement, voilà, offensivement, le Barça a fait son match. De Jong a été bon aussi, au milieu de terrain, qui revient très bien, je trouve, De Jong en ce moment. Voilà, globalement, je vais pas faire une analyse de 10 minutes là-dessus. Le Barça, oui, a tranquillement corrigé le Borussia Dortmund. J'ai du mal vraiment à voir comment Dortmund pourrait réagir lors de ce match retour demain. Même si je pense qu'à domicile, ils peuvent essayer peut-être d'accrocher ce Barça-là, parce que, pareil, on en reparlera ce week-end aussi, mais je trouve que Dortmund n'est pas non plus dans une mauvaise passe. Contre le Bayern, on va en parler, mais c'était pas mal, hein. Bah c'est ça, donc c'est pour ça, je pense qu'on peut on peut s'attendre à un Dortmund à réaction demain. Maintenant, de la remonter ces quatre buts-là, bon, pas de cacher que j'y crois moyennement. Et puis le Barça reste quand même beaucoup trop supérieur, selon moi, et bah, selon pas mal de monde, je pense. Mais tu vois, je pourrais parier sur un petit match nul, un petit deux partout, tu vois, un truc comme ça. Ça m'étonnerait pas, mais voilà, Dortmund revenir non plus, voilà, oui. Non, ça c'est bon, pour moi c'est quand même impossible. Alors faudrait voilà, des faits de jeu incroyables, un carton rouge assez tôt dans le match pour le Barça peut-être, ou bon. Mais voilà, le Barça a quand même déjà un pied et demi, si c'est un peu plus encore, un demi. Eh bien, réponse demain soir, donc 21h. Et puis donc Paris à Aston Villa, qu'on attendait bien sûr. Le Paris, voilà, s'il prend une belle option sur la qualification, notamment aussi grâce au troisième but, hein, qui est arrivé en fin de match. Il était très important ce but pour prendre deux buts d'avance. Et voilà, le plus dur peut-être est fait maintenant pour Paris. Ouais, je pense que le plus dur est fait, peut-être, oui. Après, il y a toujours un match retour à l'extérieur aussi. Donc, c'est toujours se méfier quand même de ces choses-là. Puis pareil, nous l'a appris dans son histoire récente. Toujours se méfier, même si c'est un adversaire, voilà, effectivement, sur le papier plus faible, et on l'a vu sur le terrain aussi. Voilà, l'ouverture du score a été anglaise à la 35e, complètement contre le cours du jeu. Effectivement, Paris, on le voit à la pause, hein, a tiré 15 fois au but contre 2 fois seulement pour Aston Villa. Voilà, Rodgers a ouvert le score quasiment sur la première occasion franche, on va dire, de Villans. Puis dans la foulée, bah voilà, Désiré Doué qui marque un but magnifique, excentré, entrée de surface, en pleine lucarne, barre entrante, hein, il me semble. C'est ça. Je crois qu'elle touche la barre. Voilà, un but magnifique, une frappe superbe. Voilà, Quaratskhelia qui vient enfoncer le clou, en tout cas, mettre le 2-1 après la mi-temps, la 49e aussi, d'un superbe but, tout seul, dans un angle fermé. Pareil, barre rentrante ou sous la barre, pile. Non, sous la barre, je crois. Peut-être pas barre rentrante, mais sous la barre. Voilà, Quaratskhelia d'ailleurs qui a fait un match exceptionnel. Là, c'est oui, gros match, depuis son arrivée, récente quand même, c'est un match référence pour lui. Parce que voilà, il a mis un peu de temps, forcément au championnat, à s'acclimater, à connaître un petit peu l'équipe, mais même s'il a relativement été bon jusqu'ici. Mais là, vraiment, il a fait un très grand match au-delà de son but. Hein, de toute façon, il a été très bon techniquement, collectivement, il a été vraiment très très important, le Géorgien. Et puis ce but qui vient un petit peu mettre à l'abri effectivement quand même le PSG en toute fin de match à la 90e plus 2. De Mendes, même chose. Qui... On sentait que ça pouvait venir ce troisième but, ça faisait un moment que ça... Bon, en tout cas, c'est largement mérité. Enfin, parce qu'en ensemble du match, il méritait au moins d'avoir 2 mètres 3 buts, le PSG, effectivement. Comme je l'ai dit, hein, qu'à la mi-temps, il y avait 15 tirs à 2 quand même. Et puis à la fin, au final, à la fin, c'était combien? 29 à 7. Voilà, donc sur 29 frappes, évidemment que tu mérites de... Enfin, à moins vraiment que tu cadres pas tes frappes, etc. Mais d'ailleurs, 29 tirs, dont 11 cadrés, c'est pas c'est non pas plus énorme. Gigantesque. Hein. C'est pas énorme. Hein. Non. C'est pas énorme, mais voilà, quand tu tires 29 fois but, tu te dois, effectivement, de mettre au moins 3 buts. Surtout là, dans un match aussi important, face à un adversaire entre guillemets qui est quand même largement à ta portée, quand tu t'appelles le PSG et que tu es l'une des équipes les plus en forme d'Europe, et donc sans doute du monde. Donc voilà, il y a un magnifique but de Mendes qui vient complètement crocheter, feinter ce bon vieux Martinez, voilà, qui était déjà le malin en avant-match. Donc c'est voilà, c'est encore plus jouissif aussi nous en tant que Français, en tant que supporter français. Mais voilà, c'est globalement effectivement une très très bonne performance des Parisiens. Ils ont fait leur match, ils auraient pu gagner peut-être un peu plus que ça aussi. Il y a quand même que 2 buts d'écart. Alors encore une fois, Villa est bien un niveau en dessous de ce PSG-là. Mais pour moi, il va quand même falloir se mettre à l'abri, marquer ce but qui va être important demain. Si possible, le plus rapidement possible. Hein, de toute façon, pour vraiment voilà, se rendre la tâche beaucoup plus facile. Mais voilà, PSG qui a largement mérité sa victoire. Un très bon match de Désiré Doué, un très bon match de Kvaratskhelia au milieu de terrain aussi, ça a été très bon. Fabian Ruiz, j'ai trouvé excellent aussi dans son placement, dans son rôle aussi. Mendes qui a été bon, Hakimi sur son flanc droit aussi, même s'il n'a pas été autant décisif que souvent, mais j'ai trouvé quand même plutôt pas mal. Voilà, globalement un excellent match dans l'ensemble du Paris Saint-Germain. Et voilà, comme je l'ai dit, va falloir essayer de se mettre à l'abri le plus tôt possible demain et soit tranquillement gérer, soit bah si on peut aller enfoncer le clou, hein, si on peut gagner 3-0 là-bas, c'est avec plaisir, mais va falloir se donner les moyens aussi. Ils ont pas joué ce week-end, ils ont réussi à faire reporter leur match exprès pour arriver en forme demain, donc j'espère justement que le PSG n'est pas venu là pour gérer le match non plus, mais pour essayer d'éteindre un petit peu plus Aston Villa. Donc je m'attends à un match comme ça moi demain quand tu fais tout pour arriver en pleine forme, quand tu as une semaine, enfin 6 jours de repos comme ça sans match, tu te dois d'aller vraiment chercher encore plus cette équipe et encore plus cette qualification. Et bah rendez-vous demain donc 21h pour ce match retour et en espérant que ça passe, et puis derrière bah la demi-finale qu'on attendra, voilà, peut-être face à Arsenal, peut-être face au Real, si ça peut s'inverser, on verra tout ça. Donc demain et mercredi, c'est quart de finale retour. Les directs ont démarré donc pour but à l'instant d'ouverture du score de Bastia, qui a ouvert le score face à Laval, vraiment juste à l'instant là, quand on se parlait. Donc 1-0. Et puis Naples Empoli, pas de but pour l'instant, ça fait 10 minutes de jeu. Et puis on attend donc dans 2 minutes Bournemouth Fulham et puis Atlético Madrid Valladolid. Donc on en parle juste après bien sûr de ces deux matchs. Un mot de la Ligue Europa pour évoquer le match de Lyon qui affrontait le Manchester United. De partout, tout sera à faire au match retour à Old Trafford. Mais en tout cas Lyon qui a arraché encore ce match nul qui va peut-être compter avant ce retour hein, pour les Lyonnais. Forcément un but qui va compter, ce but, voilà. Dernière minute, dernière seconde un petit peu de Cherki, 90 plus 5, effectivement, c'est forcément un but qui va compter. Lyon, je l'avais dit la semaine dernière, je m'attendais vraiment quand même un match plus complet, plus abouti hein, des Lyonnais. Hein, honnêtement, ils ont quand même été embêtés hein, par United dans ce match. United, évidemment malade, hein, j'aime plus, ils sont bien en championnat, ils sont quoi, 14e. On va parler de sa défaite d'hier encore, ouais. Ouais, en plus, ouais, donc grosse défaite encore. Ce qui arrange forcément les Lyonnais et puis nous supporters français. Mais voilà, je m'attendais à un match plus complet ouais, de Lyon, surtout aussi par rapport à ce qu'ils ont encore montré aussi ce week-end Lyon championnat. Mais ça n'a pas été le cas, ils ont quand même été embêtés. Ils ont montré de belles choses aussi, offensivement, ils ouvrent le score à partir de Guadalajara à la 25e. Mais voilà, ils se font prendre au piège à chaque fois un petit peu dans les mauvais moments du match. Ils se font égaliser vraiment juste avant la pause dans la fin des arrêts de jeu à la 45e plus 5 l'ancien Lillois, les Nigneraux, qui vient égaliser. Et puis voilà, en seconde période, c'est un petit peu en dents de scie, ils sont malmenés, ils ont quelques opportunités aussi, Lyon. Et puis voilà, ce but qu'on redoutait de Zirkzee à la 88e, en toute fin de match, qui permet à United de prendre les devants. Donc c'est vrai qu'on se dit là, on sent la mauvaise opération, le mauvais résultat qu'on voyait pas forcément venir encore une fois par rapport à la forme des deux équipes. Et puis voilà, ce but de Cherki, décisif, Cherki qui nous fait plaisir quand même globalement dans cette saison, qui n'a jamais eu des stats aussi élevées quand même depuis qu'il est arrivé dans le monde pro. Et il va donner encore beaucoup d'espoir à Lyon, effectivement. On repart à 0-0 jeudi. Au match retour, maintenant, c'est même si c'est pas un Man U malade dans une saison cataclysmique, ça reste Old Trafford, ça reste le théâtre des rêves, ça reste un stade chargé d'histoire, un stade tout bonnement historique qui peut en faire trembler plus d'un. Mais voilà, le but c'est d'y aller sans trembler, d'y aller sans complexe et de tout donner, parce qu'il y a vraiment la place quand même. Encore une fois, cette équipe de United est quand même largement prenable pour Lyon dans la forme actuelle où ils sont, les Lyonnais. Donc va falloir pareil tout donner dès le coup de sifflet, dès le coup d'envoi pour Lyon, parce qu'il y a vraiment la place, et montrer que Lyon peut aller chercher cette qualif en demi bien plus que United. Mais voilà, peut-être qu'on peut avoir derrière un petit peu sur ce match aller. Pardon, débute dans deux matchs. Égalisation de Laval à Bastia et ouverture de feu de Bordeaux. Je sais pas si tu l'as du coup. Je viens de l'avoir, mais je lève les yeux sur l'écran du coup. Pour donner une petite note que j'avais prise, effectivement, but à peine à la première minute de jeu. Effectivement, de Bordeaux, ça fait déjà 1-0 contre Fulham, mais j'ai pas vu le buteur. Je vais vous dire ça dans quelques instants, bien sûr. Mais effectivement, ça commence très fort en Angleterre. Et c'est lancé en tout cas ce match. Et Laval, c'est Semenyo. Semenyo, qui le Ghanéen. C'est ça. Voilà, 1-0 donc dans cette rencontre, et puis 1 partout. Passé là, l'Atletico c'est parti aussi, ensuite tout ça. Donc 2-2 Lyon Manchester, globalement c'est serré partout. Après Tottenham Francfort 1 partout aussi, tout sera à faire. Les Glasgow Rangers face à Bilbao 0-0, tout sera à faire aussi. Et puis la Lazio qui a été surpris à l'extérieur, qui a perdu 2-0 face à l'équipe de Bodø Glimt, les Norvégiens. Donc surprenant ce résultat, et la Lazio qui va devoir inverser la tendance pour se qualifier pour les demi-finales. Très rapidement, avantage certain pour Chelsea en conférence League, qui a gagné 3-0 à Varsovie. Le Betis Séville aussi qui a gagné 2-0, la Fiorentina qui a gagné 2-1, rien n'est fait non plus, et puis Rapid Vienne a gagné 1-0, donc tout est possible, même si Chelsea possède quand même une belle avance. Et qui jouera à domicile au retour, je vois mal quand même Chelsea ne pas se qualifier pour la suite. Pour le reste, ouais, Tout sera à faire encore. Ouais. Mais quand même pour la Ligue Europa, on a du mal à y voir clair, hein. Contrairement plutôt à la Conference League ou même à la Ligue des Champions, on connaît nos favoris. Et la Ligue Europa, c'est vrai que c'est du 50-50 un peu partout, quoi. Hein. Lyon United, on a du mal à, on peut même vraiment pas trop pronostiquer d'avance. Tottenham Francfort, c'est un peu pareil, même si je vois un avantage côté Francfort quand même du point de vue de la forme et de la saison globalement. Les Glasgow Rangers et Bilbao, ça fait quand même 0-0, peut-être un petit avantage pour Bilbao, mais et puis bon, voilà, tu dois remonter, tu l'as dit, un écart de 2 buts là, donc même je veux dire, là on parle des quarts de finale, mais même sur la victoire finale au fait. Incapable de dire qu'il y a rien de logique, hein. Peu importe quelle équipe, tout le monde pourrait gagner. C'est ça. Peut-être moins Bodø Glimt sur le papier, ou les Rangers, mais au final, ça a accroché à chaque fois leur adversaire, ou gagné. Donc, au final, c'est vrai que, franchement, tout est flou dans cette compétition, et elle reste quand même importante aussi, intéressante à suivre. Ouais, donc jeudi pour connaître le dernier carré de cette compétition. Notre tour d'Europe des championnats, c'est parti. La Bundesliga d'abord, avec gros match pour démarrer, lancer cette journée. C'était Leipzig qui a été affronté Wolfsburg. Victoire de Leipzig très importante, bien sûr pour la Ligue des Champions, la C1, puisqu'il reste quatrième, il repasse quatrième même, grâce notamment à Xavi Simons. C'est ça, ouais, Simons qui a fait un bon match, qui a marqué un doublé. Je dis Simons, mais Simons peut-être. Oui, d'ailleurs, je vais vérifier quand même la prononciation néerlandaise, mais peut-être plus Simon, tu me diras, mais à vérifier. Ce Wolfsburg-Leipzig, c'était un match plaisant, hein, ouvert. avec beaucoup d'occasions et de part et d'autre. Mais justement, on a vu un... Tu vas dire, c'est un résultat important pour Leipzig, cette victoire. Mais on a vu un Leipzig à deux visages qui a dominé très largement la première période en marquant deux beaux buts à l'extérieur de la surface avec Openda et Simons, ou Simons. Voilà, mais deux beaux buts à l'extérieur de surface qui sont voilà, très bien placés aussi, petit filet. Quand même 2-0 à la pause pour Leipzig malgré le fait que Wolfsburg a touché un poteau et une barre quand même durant cette première période. Donc voilà, Leipzig n'est pas non plus passé loin de se faire rattraper ou ouais, d'arriver à la mi-temps avec au moins un but d'encaisser. Et puis Xavi Simons qui va enfoncer le clou avec à nouveau une frappe à l'extérieur, encore une fois un très beau but, toujours bien logé aussi dans le petit filet. Donc ça fait 3-0 déjà pour Leipzig à la 49e minute de jeu, donc très rapidement dans le début de cette seconde période. Et puis après ça, vraiment Leipzig va longtemps souffrir et subir les assauts de Wolfsburg, qui va complètement réduire l'écart, enfin voilà, à un but en tout cas, avec deux buts marqués à la 58e et à la 75e de Fischer et du Danois Skovolsen. Donc ça fait 3-2 et Leipzig est totalement dans le doute parce qu'effectivement Wolfsburg a complètement pris l'ascendant dans cette seconde période et va donc pas passer très loin d'aller chercher cette égalisation. Mais au final, Leipzig va tenir bon, va quand même avoir une ou deux petites occasions en fin de match pour essayer d'enfoncer le clou, mais ça ne va pas arriver. Et Leipzig va s'imposer 3-2. Alors j'ai longtemps tranquillement, mais aussi une bonne demi-heure en souffrant, comme je l'ai dit, et Wolfsburg qui enchaîne une quatrième défaite depuis autant de matchs, cinquième défaite sans victoire, parce qu'il y avait eu un match nul il y a cinq matchs, et donc Wolfsburg n'a plus gagné depuis le 1er mars. Alors, Wolfsburg est 12e actuellement, n'est pas du tout menacé par le maintien, et ne joue plus rien en réalité, hein, Wolfsburg. Oui. Mais voilà, ça reste une très mauvaise passe pour eux. Je l'ai dit, 5 matchs sans victoire, 4e défaite d'affilée. Donc voilà, ils sont vraiment dans une mauvaise passe, même s'ils ont montré encore une fois un beau visage de réaction sur ce match-là. Et Leipzig qui, quant à eux, conforte sa 4e place. Donc toujours en course, bien sûr, pour la C1. Même si derrière, c'est proche et ça arrive fort hein, avec Mayence, avec Fribourg. Donc attention quand même, mais c'est 3 points qui étaient primordiaux et importants pour le Rasenballsport Leipzig. On le disait, ce choc Bayern, enfin anciennement ce choc, ce classique, comment on le dit, le classique corps, je sais pas, classique corps. Presque le R en allemand comme ça ne se prononce presque pas en ER, classique, ouais. c'est une espèce de A mais un peu arrondi, je sais pas comment dire, mais en gros, enfin, tu vois, tu vas pas dire classiqueur, tu vois, ouais, voilà, un classique corps. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, c'était ce choc précédemment. Ça y ressemblait un petit peu avec Dortmund, on l'a dit, qui a pas fait un bon match en Ligue des Champions, et là qui a accroché ce Bayern, qui reste à 6 points de devant Leverkusen avec ce match nul. Ouais, honnêtement, un match relativement plaisant, pas exceptionnel non plus. C'est pas le meilleur des classiques qu'on a eu entre le Bayern et Dortmund. Après voilà, Dortmund effectivement qui n'est pas dans une grande saison non plus. Pour faire de façon un petit peu chronologique, une première période dominée par le Bayern qui aura tenté plusieurs fois de frapper au but, bien sûr, avec Olise, Stanisic, Kane ou encore Müller aussi. Hein. Je crois que chacun s'est repris à deux fois en cette première période. Mais soit aurait été trop maladroit, je pense notamment à Olise qui est un excellent joueur, on le voit encore cette saison, mais c'est vraiment l'un des axes les plus importants de sa progression où justement il doit travailler, c'est ça, c'est la finition, c'est le dernier geste. Donc soit de la maladresse côté bavarois, soit justement ils auront buté sur un Kobel, un gardien de Dortmund très concentré dans ses buts, et même en général une équipe de Dortmund qui était relativement bien organisée hein, dans cette première période en 3-3-2-2, un joli dispositif concocté par Niko Kovac, hein, l'ancien coach monégasque, notamment, et du Bayern aussi d'ailleurs. Aussi, il a coaché le Bayern, on est d'accord, je ne l'ai pas inventé. Hein. Oui, Kovac, oui. Oui, voilà. Donc ça fait 0-0 à la pause hein, dans ce classico. Et Dortmund qui va commencer fort cette seconde période en ouvrant le score sur une tête de Bayer. Min-jae, le défenseur sud-coréen du Bayern, qui calcule vraiment mal ce ballon et se laisse complètement devancer est passé devant par Bayer et ça fait 1-0 du coup pour Dortmund en début de seconde période à la 48e. Et puis après ça va être un petit peu coup sur coup hein, avec un Serge Gnabry décisif sur les deux buts du Bayern, notamment sur le second où il est buteur après un ou deux doubles contacts qui éliminent la défense de Dortmund et au moins 3-4 joueurs. Et sur le but de l'égalisation aussi, hein, où il fait aussi parler sa technique et sa vista en repiquant dans la surface côté gauche et en passant le ballon avec une remise, je crois, d'Harry Kane pour Guerrero. Je crois que c'est Harry Kane. Donc voilà, égalisation à la 65e, but du 2-1 à la 69e, 4 minutes plus tard seulement. Donc ça fait 2-1 pour le Bayern à la 70e. Et puis on voit un Dortmund à réaction aussi, hein, qui égalise rapidement aussi, 5-6 minutes plus tard. Grâce à Anton, avec notamment un presque but de Serhou Guirassy, hein, qui aurait été beau. Où, pareil, il contrôle un petit peu ce ballon en l'air, et puis il fait une petite reprise de volée, un petit peu en retournée, pas extrêmement puissante, mais que le gardien bavarois Urbig va arrêter. Ça va revenir sur Anton, qui va pouvoir pousser le ballon dans les filets. Et le match va se terminer voilà, globalement comme ça. Il y aura quelques petites actions de part et d'autre en fin de match, mais... Voilà, 2-2, le Bayern qui perd des points devant, même s'ils ont toujours 6 points d'avance sur les Leverkusen, on l'a pas dit, parce que voilà, mais qui a fait 0-0 les Leverkusen ce week-end aussi, donc voilà, Bayern qui reste tranquillement quand même sur son trône, mais Dortmund qui au moins n'a pas perdu trop de points sur ce gros match-là, où il se devait, d'un point de vue comptable et d'un point de vue course à l'Europe, au moins de repartir avec un point, et c'est ce qu'ils ont fait. Face à ce Bayern qui n'est pas non plus, on le dit chaque semaine également ici, mais qui n'est pas non plus parfait du tout cette saison. Donc c'est un bon résultat pour Dortmund, un moins bon pour le Bayern forcément, mais encore une fois, du point de vue du résultat moyen qu'a fait Leverkusen également, voilà, c'est pas du tout une catastrophe pour le Bayern Munich de perdre 2 points sur ce match-là. L'ouverture du score de Naples, c'est McTominay qui ouvre la marque pour les Napolitains avec une passe décisive de Lukaku, donc ça fait 1-0. Après 23 minutes, donc face à Empoli. Et puis dans les autres matchs, ça ne bouge pas. 1-1, Bastia-Laval. 1-0, Bournemouth-Fulham. Et puis en Espagne, Madrid-Valladolid. Pas de but pour l'instant. Et puis enfin, on avait donc Francfort. Francfort qui recevait Eindhoven. Mal classé, un barragiste pour l'instant. Victoire importante de Francfort qui prend 3 points pour rester 3e. Donc succès globalement mérité pour Francfort. Succès mérité bien sûr, victoire tranquille ouais, de l'Eintracht Francfort, sans trop forcer, voilà, c'était quand même relativement faible en face, même si ces derniers Eindhoven ont quand même la possession hein, légèrement en leur faveur, hein, ils ont 58% il me semble, 56% je crois, à 44 ouais, c'est ça. De possession, alors c'est pas énorme, c'est pas flagrant, mais voilà, ils ont quand même la possession légèrement en leur faveur. Ils ont tiré au but 14 fois aussi, mais ça n'a pas non plus été dangereux à chaque fois. Donc Francfort qui s'impose tranquillement 3-0, encore une bonne performance d'Hugo Ekitike, qui a été buteur sur le troisième but et passeur également dans ce match-là. Francfort, tu l'as dit, voilà, qui avec cette victoire tranquille est bien installé sur la troisième marche du podium avec pourtant un calendrier qui va pas être simple pour eux en fin de saison. Ils vont jouer de tête Tottenham en C3, mais en championnat ils vont jouer Fribourg, Leipzig. Alors je dis ça dans le désordre. Hein. Mais Fribourg, Leipzig, Mayence, hein, qui sont des clubs quand même du haut de tableau, notamment Mayence. Leipzig aussi bien sûr, qui sont des adversaires directs. Donc c'est pour ça que forcément cette victoire a été presque écrite du point de vue de leur forme actuelle et voilà, et du niveau d'Eindhoven, mais voilà, c'était quand même 3 points importants à aller chercher dans cette course à la Ligue des Champions. Et comme je l'ai dit, tant cette fin de championnat, cette fin de calendrier, cette fin de saison, va pas être simple pour eux. Donc il fallait se rassurer, il fallait en tout cas empocher ces 3 points. Ils l'ont fait avec la manière, donc c'est une très bonne chose. Et puis pour dire un mot sur Eindhoven, voilà, qui est pratiquement condamné ou en tout cas au mieux barragiste. Mais là, pour voilà, il reste 5 matchs. Ça va être compliqué pour eux de sortir de cette zone rouge ou de cette zone orangée. Donc, ils sont à 7 points du 15e de Sankt Pauli. Ouais. Ça va être compliqué pour eux avec cette défaite. Très bien, tu l'as dit, Leverkusen que tenu un check par Berlin 0-0, qui a pas profité du coup du match nul de Dortmund. Mauvaise opération en revanche pour Mayence, hein, battu à Hoffenheim 2-0. Et puis bonne opération pour Fribourg, vainqueur de Mönchengladbach 2-1 dans le choc, hein, pour l'Europe, hein, tout simplement. Et Fribourg du coup. Et il leur passe devant. Et ouais. Il leur passe devant. Ouais. C'est ça. Donc, très serré, on va en parler, mais d'abord Bayern donc 69, Leverkusen 63, Francfort 51 troisième. Puis après, c'est là que c'est serré, hein. Leipzig, 48, 4e. Mayence, 5e, 46. Fribourg, 45. Mönchengladbach, 44. Dortmund revient, 42. Voilà, qui est encore en course, comme Brême, comme Augsbourg, 42. Tout ça, c'est encore possible, hein, pour l'Europe. Stuttgart, ça semble un peu loin, 40. Mais, voilà, tout est encore possible. Puis tu l'as dit, Heidenheim, pour l'instant, barragiste. Borum, donc, et Kiel, qui sont pour l'instant relégables. Mais rien n'est joué, hein. Il y a que 4 points entre le 16e et le 18e. Donc, tout reste possible. 5 Pauli avec 29 points, quand même, semble un peu plus à l'abri. Un petit coup d'œil sur ce qui nous attend ce week-end. J'aurais bien coché, moi, Dortmund, Mönchengladbach, peut-être, pour l'Europe, hein, entre le 7e, le 8e et le 7e. Bah, bien sûr, parce que si Dortmund gagne, il repasse devant Gladbach, donc ouais, effectivement, bien sûr. Ça, ce sera dimanche à 17h30, mais après, pour le reste, il n'y a pas de grosses affiches. En tout cas, pas de grosses affiches. Francfort qui va à Augsbourg, mais voilà, Augsbourg qui est 10e, alors tu le disais, ils peuvent pas vraiment rêver d'Europe parce que c'est serré. Pourquoi pas cocher ça? Après, voilà, oui, le Bayern qui se déplace à Heidenheim, on en parlait juste avant. Bon, c'est pas du tout une affiche, mais voilà, ça devrait être tranquille normalement pour le Bayern. Donc ouais, voilà, oui, pas de gros match non plus. Ouais, globalement, ouais, les têtes d'affiche jouent le bas de tableau. Hein, Bayern, Heidenheim, Leipzig, Holstein Kiel, le Bayern Leverkusen qui ira à Saint-Pauli. Donc, effectivement, ouais. Il y a des affiches assez déséquilibrées. Ouais. Ouais, bon, on suivra ça donc sur cette journée de Bundesliga. L'Italie maintenant avec la 32e journée avec Naples donc toujours engagé. Pour l'instant, Naples qui reviendra à 3 points de l'Inter en cas de succès. L'Inter qui jouait samedi qui reçoit Cagliari avec une victoire 3-1 de l'Inter. Voilà, qui a été globalement qui a maîtrisé son match, hein, qui a le contrôle du match. Avec 3 buts, on parlait tout à l'heure, tu parlais de Martinez, bah encore marqué, hein, ce week-end, qui est vraiment en forme. Voilà, qui a bien géré son entre-deux matchs. Enfin, on le sait souvent, ça peut être compliqué. Paris a fait le choix de reporter son match. Bon, bah, les autres n'ont pas forcément eu le choix, mais gérer cet entre-deux matchs de Ligue des Champions, bah, ils ont bien géré l'Inter. 3 buts encore. Bon, face à Cagliari, voilà, qui est quand même loin, qui joue encore le maintien, qui est pas encore tout à fait assuré d'être maintenu. Donc c'était pas le plus gros adversaire que l'Inter pouvait jouer entre ces deux matchs-là. Mais il fallait gagner, voilà, qui marque 3 fois, qui revient, qui prenait 6 points. Bon là, il y a plus que 3 points pour l'instant avec Naples qui gagne. Mais je sais pas, globalement, comme un match maîtrisé, hein, pour l'Inter qui a eu la possession, largement la possession, qui a eu les occasions, qui a marqué 3 fois. Mine de rien, qui a cadré que 4 tirs, hein, mais 3 buts, c'est presque du 100% de réussite, avec 13 tirs au total. Globalement, un match maîtrisé par l'Inter. Hein. Je pense que si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Oui. Tout comme pris le match avec sérieux, tu l'as dit, entre deux matchs importants en Ligue des Champions, effectivement. Efficace. Ils ont quand même fait un petit peu tourner, mais en même temps, tu regardes les titulaires, il y avait quand même Lautaro, il y avait Barella, il y avait Di Marco, il y avait Çalhanoğlu, il y avait De Vrij en défense, notamment, entre autres, voilà. Donc, alors même si la plupart sont sortis quand même plutôt à l'heure de jeu ou voilà, en milieu de seconde période, comme Di Marco, comme Martinez qui est sorti à la place de Thuram ou Çalhanoğlu en fin de match, il y a eu un peu de turnover, mais pas tant que ça. Et ouais, c'est vrai qu'ils ont ils ont quand même voulu jouer ce match à fond. En même temps, bah, y a la course au titre aussi, donc forcément tu peux pas trop te permettre de trop mettre de côté le championnat par rapport à la Ligue des Champions, parce que y a que 3 points d'avance, tu disais, sur Naples, donc évidemment que rien n'est joué, rien n'est fait, donc c'est pour ça que c'était important de remporter ces 3 points et de faire une bonne performance face à Cagliari ce week-end. Donc il fallait jouer ce match à fond. Voilà, le match a été plié. En tout cas, il y avait 3-1 déjà quand même assez vite avant l'heure de jeu. Et ils ont pu se permettre pour le coup là de Inzaghi de faire tourner, même si comme la semaine dernière où j'avais dit qu'il avait fait tourner justement un petit peu tôt. Trop tôt ouais. Oui, c'est la semaine dernière qu'ils font 2-2 à part, moi, c'est ça. Ah, c'est ça. Oui, il s'est permis, j'ai trouvé, de faire tourner un petit peu tôt avant justement ce match aller face au Bayern. Mais là, pour le coup, ça a payé, ils ont fait leur match. Voilà, ouais, l'Inter, non, oui, il a fait son match, à quelques jours du retour contre le Bayern, donc, ouais, un match plein pour eux. La Juve qui joue aussi samedi soir, recevait Lecce. Mal classé, hein, Lecce, 17e, à seulement 2 points de la zone rouge, donc, c'était, un adversaire largement à la portée de la Juve, qui se devait de gagner, hein, pour rester toujours accroché à cette 4e place. C'est vraiment, on va en parler après au classement, mais c'est relativement serré en haut et il fallait vraiment gagner pour pas avoir revenir, on en parlera de Bologne après, qui jouait le lendemain face à Bergame. La Juve qui a bien démarré, hein, qui marque d'entrée de jeu, 2e minute, ouverture du score, ensuite que première demi-heure qui marque un deuxième but, donc qui se met à l'abri assez tôt, globalement qui a eu la possession du ballon, hein, ils ont dominé globalement le match logiquement face à une équipe qui est quand même inférieure, hein, 66% de possession, voilà, c'est énorme, 22 tirs aussi, hein, bon, par contre à penalty tient en Espagne pour Valladolid, donc on va suivre ça. Face à Atletico qui pourrait subir l'ouverture du score. Voilà, 7 tirs cadrés, donc voilà, c'est pas énorme, hein, sur le 22 tirs, hein, c'est un peu ce qu'on disait avec Paris. Non, mais en même temps, c'est un peu la maladie de la Juve, oui. J'attire cette saison, mais même. C'est logique. Même quelques temps, hein. C'est malade aussi, là, qui va tirer pénalty, donc on va suivre ça. L'avare est intervenu, mais c'est bien confirmé. Mais voilà, globalement, la Juve qui s'est un petit peu fait peur en fin de match, puisque Lecce va réduire l'écart à 87e, mais finalement ça va tenir, et la Juve, voilà, qui prend 3 points importants, voilà, on le verra en plus avec la défaite de Bologne ensuite, ça permet de rester 4e, de s'accrocher, et voilà, il va falloir jouer jusqu'au bout maintenant pour la Juve. Oui, il va falloir, de toute façon, pour aller chercher cette place en Ligue des Champions, voilà, avec cette nouvelle dynamique, avec le nouveau coach, avec Tudor qui est arrivé, ils ont globalement quelques matchs qui arrivent à les gagner, hein, je parle vraiment des prochains, Parme, Monza ensuite, après il y aura des chances un peu plus compliquées à aller chercher, il y a Bologne, il y a Lazio, quand même qui sera pas une tâche facile, même Udinese, qui n'est pas toujours une équipe simple non plus à aller chercher, même si bon ils ont pris une tôle face à Milan ce week-end 4-0, mais ouais, donc va quand même falloir rester sérieux jusqu'à la fin de saison et puis avant cette Coupe du Monde des clubs aussi pour la Juve. Ouais, tout à fait, ouais. Qui sera. C'est ouverture du score, c'est fait, hein, pour Valladolid qui mène 1-0. Un petit peu surprise générale, hein, face à l'Atlético, mais pour l'instant c'est eux qui ouvrent le score. Oui, donc la Juve, ouais, qui tient bien, qui est mieux qu'une période, mais qui prend plus sa place de Bologne. Puisque Bologne du coup a été perdre à Bergame, hein, 2-0, face Bergame qui est troisième désormais après ce succès, qui gagne à nouveau, parce que c'est vrai que Bergame n'était pas sur une grosse période, il y avait eu 3 défaites consécutives, hein, face à l'Inter, face à la Fiorentina, face à la Lazio, bon, des adversaires costauds, mais Bergame qui avait subi 3 revers très important et qui du coup avait un peu dit au revoir au titre avec ses 3 revers, mais il fallait gagner, chose faite. Mais ils avaient quand même, t'as vu, un enchaînement de 5 matchs, depuis le 9 mars, la Juve, ils avaient gagné 4-0 à Turin, ouais. Et après tu l'as dit, 3 défaites face à l'Inter, à la Fio et à la Lazio, et là Bologne, c'est quand même 5 adversaires directs, entre guillemets, ouais. En tout cas de haut de tableau. Après il y a le Milan la semaine prochaine. C'est un sacré calendrier, un enchaînement pas simple. Mais ouais, pour venir sur le match, bah ouais, un peu à l'image de la Juve, très très vite devant, avec Retegui qui a ouvert le score dès la 3e minute. Donc ça les a mis en confiance. Pasalic qui va doubler la mise très tôt aussi, 20e minute de jeu. Donc voilà, la pause, ils étaient quand même plutôt sereins. Et puis ensuite ils ont géré tranquillement en deuxième période. Face à Bologne qui a pas été très créatif, hein, voilà, ils ont pas montré grand chose et c'est dommage pour Bologne qui du coup perd sa 4e place aux dépens de la Juve, on l'a dit, mais pour Bergame, c'est 3 points qui vont compter, bien entendu. Bologne qui avait pourtant la possession, hein, 60-40. Et puis même au niveau des frappes, des occasions, Bologne est devant, largement devant. Hein. Seulement. Bah, en fait, Bergam tire 4 fois, 4 2 fois et marque 2 fois. C'est du 100% efficace. Ouais. Bologne a tiré 12 fois, cadré 5 fois et marque pas. Voilà, c'est l'efficacité a été du côté de Bergame. Bologne, je le disais, qui a beaucoup tiré, mais qui a pas été globalement dangereux. Donc c'est finalement. Il y a eu un poteau côté bolognais, voilà. Oui, c'est ça. Qu'on peut retenir. Mais finalement, assez logique malgré ce que les stats peuvent venir, mais résultat plutôt logique. Du coup, ça fait que Bergame. Regarde cette troisième place au chaud, même si ça peut encore revenir derrière. Rapidement, tu l'as dit, hein, l'Udinese qui a pris une claque face au Milan 4-0. Milan AC. Le point noir, évidemment, c'est la sortie sur blessure de Mike Maignan. Hein. C'était vendredi. Ouais. Pour l'instant, on n'a pas. Sorti un peu pas kamikaze, mais en même temps. Oui. Avec son partenaire, Sorti quand même mal maîtrisé de sa part aussi. Quoi. C'est ça. Bon après, voilà, mais on lui souhaite un bon rétablissement. Normalement, ça va aller. Oui, là, ça va. Pas être trop grave. Mais voilà, sorti un peu mal maîtrisé quand même. Égalisation de l'Atlético, ça a pas duré longtemps. Voilà, Atlético qui égalise tout de suite. Et c'est Alvarez, penalty également. Donc un partout. C'est pour l'instant une histoire de penalty. Alvarez et Lavar aussi qui est intervenu, c'était confirmé un partout dans cette rencontre. Le derby de Rome, là aussi c'était important pour ces places européennes. Finalement, c'est un résultat qui arrange personne. Hein. Ce match un partout, personne n'avance et ça fait perdre 2 points, hein, important. Ouais, tout à fait. Un derby qui n'arrange personne, tu l'as dit. Ils sont au coude à coude au classement. Le Lazio qui est 6e du coup maintenant avec 56 points et la Roma 7e derrière. Avec 2 points de moins, 54 points. Donc effectivement, match nul qui ne peut satisfaire aucune des deux équipes. Il y a eu des occasions de part et d'autre. Avec Romagnoli qui ouvre le score en tout début de seconde période. Pour la Lazio à la 47e, puis la Roma qui va ensuite un petit peu plus pousser et forcément essayer d'aller chercher cette égalisation qui va enfin être retrouvée grâce au jeune ailier italien Mathias Soulé qui a 21 ans qui a marqué le but du 1 partout à la 69e. Globalement des beaux arrêts côté AS Roma en tout cas. Du gardien serbe Zilar qui a quand même été décisif dans cette rencontre parce que c'est vrai que Lazio aurait peut-être plus mérité si on devait choisir un camp s'il devait y avoir une victoire Lazio aurait peut-être un peu plus mérité que la Roma. En même temps c'est une équipe qui a montré un peu plus de beaux jeux globalement cette saison, même si la Roma on l'a dit depuis plusieurs mois est sur une excellente dynamique aussi. Deuxième but de l'Atlético 2-1 qui prend les commandes, ça cette fois-ci c'est grâce à Simeone. Gennaro Simeone, donc 2-1 pour l'Atlético. Pardon, je te. Déjà, ouais, c'est, ouais, non, mais ouais, ils ont bien réagi. Très rapidement, ouais. Globalement, j'ai dit un petit peu ce que j'avais à dire sur ce match-là, parce qu'il n'y a pas non plus. Comment chose à dire, il y a de l'intensité sur le penalty pour Bastia. On file à Bastia tout de suite. Bon. Pour Bastia. Pour Bastia, ouais. Il y a un partout là, du coup, c'est ça? Un partout et penalty là pour Bastia. Ouais. Penalty, on va suivre ce penalty. Je sais pas, tu voulais rajouter autre chose en attendant que le penalty se tire peut-être? Non, je vais dire un contre-jeu, j'avais à dire. Un partout, effectivement, ça n'avantage aucune équipe au classement. La Lazio, je l'ai dit, qui a un peu plus dominé ce match là quand même. Mais voilà, ouais. On a entendu un bruit sonore derrière. Ah, c'est le penalty qui va être tiré ce match. Ça va se mettre en place. Donc en tout cas, voilà, il y a du but ce soir dans ces matchs directs. Il y a des penalties surtout. Et il y a des penalties, c'est le troisième penalty, ouais, effectivement. Naples toujours 1-0. Bon, il y a but partout. En tout cas, tous les matchs se sont débridés ce soir. Et tu suis bien sûr Bournemouth Fulham pour nous. On voit Olivier Frappoli, coach de Laval, qui était le coach de l'USO. Quelques années et c'est bien Bastia qui va avoir une balle de 2-1 dans ce match alors que c'est eux qui avaient ouvert le score. On va suivre ça. Alors ça prend un peu de temps, il y en a pas installé, on a peut-être le temps de vous donner le classement en Italie en attendant. Donc le classement, l'Inter donc est leader avec 71 points pardon, Naples deuxième 65 points. Donc pour l'instant, mais qui pourrait en avoir 68 dans quelques minutes dès que le match sera fini. Bergame troisième 61 points, la Juve donc prend la quatrième place avec 59 points. Et on a ensuite Bologne, alors le penalty va être tiré, hein, pour ça que je suis en même temps. Bologne 5e 57 points. La Lazio 6e 56, la Roma donc 7e 54 qui peut encore espérer. La Fiorentina, c'est parti, c'est dedans. Le gardien était bien parti mais c'est bien tiré. Petit filet, ça fait 2-1 pour le Bastia qui reprend les commandes de cette rencontre juste avant la pause. La Fiorentina, on l'a pas dit mais qui aurait pu en profiter hein. Du match entre la Lazio et la Roma, mais qui n'a pas profité, qui fait 0-0 également. Ça part, donc reste 8e 53, Milan AC 9e 51. Tout ça, ça peut encore espérer. On rappelle, les 6 premiers se qualifient, donc rien n'est joué. Il n'y a que 5 points. Par contre, là, le fossé, il est vraiment présent avec le Torino 10e 40 points, qui joue plus rien. Udinese, pareil. Hein. Et puis en bas, Empoli, Venise et Monza. Voilà, pour l'instant, Monza, ouais, qui est presque déjà relégué. Hein. Un petit coup d'œil sur ce qui nous attend ce week-end. Alors, j'en profite juste pour me rectifier, enfin, de tout à l'heure me corriger. Quand je parlais de l'Inter, justement, qui forcément devait jouer ce match contre Cagliari ce week-end, à fond, je veux dire, pour la course au titre, oui, j'ai dit qu'ils avaient 3 points d'avance par rapport à Naples. Oui. Naples, c'était le classement direct par rapport à tout à l'heure quand ils gagnaient. Voilà. Très bien. C'est pour ça. Tout à fait. La 33e journée ce week-end, qu'est-ce qui nous intéresse? Il y a deux affiches, on va dire, hein. Ah, Bologne-Inter. Bien sûr. Bologne, bien sûr, pour la course à la C1 et l'Inter, toujours pour la course au titre, évidemment. Et puis, Milan, l'AC Milan face à l'Atalanta. L'Atalanta dans la course à la C1, puis Milan C dans la course à l'Europe tout court, hein, qui doit essayer d'aller chercher une place pour une Coupe d'Europe hein, quelconque, mais voilà. Le Milan qui est 9e. Donc là, c'est un petit peu la dernière chance pour essayer de ne pas être largué totalement par les équipes de devant, quoi. Ouais, ça ce sera dimanche 20h45 et puis l'Inter sera le dimanche à 18h. Et après on aura, c'est plutôt rare, mais on aura 4 matchs lundi. Il y aura Torino à 12h30, il y aura Cagliari-Fio à 15h, Genoa Lazio à 18h et Parme Juve à 20h45. Ouais, on va jouer 4 matchs le lundi, c'est pourquoi pas. On innove un petit peu. Ouais, c'est le lundi de Pâques hein. Oui, ouais, c'est vrai. Donc 3 voilà. Oui, c'est peut-être pour ça qu'on joue c'est sûrement pour ça. Ouais. Oui, tu as raison. Très bien. On suivra. Il y aura aussi du championnat espagnol. Ouais, il y aura pas mal de matchs ce lundi. On poursuit avec l'Espagne. En attendant ce match de l'Atlético qui est en cours. Le Real. D'abord le Barça à Leganés et ensuite le Real à Alavés. Le Barça s'impose 1-0. Précieuse victoire, mais compliqué pour le Barça quand même cette victoire. Ouais bah oui ouais, bah le score reflète bien finalement un petit peu ce match, 1-0 pour le Barça. Le Barça qui aura ouais dominé cette partie mais qui aura fait face à un Leganés sérieux, bien en place défensivement et surtout dangereux aussi offensivement parce que Leganés a quand même fait trembler deux à trois fois les supporters catalans dans ce match. Le Barça a quand même fait le job hein, avec ce but un peu gag hein, ce CSC de Sainz qui pousse ce ballon sur un centre il me semble hein, un petit peu à terre mais qui pousse ce ballon dans son propre but donc malheureusement voilà sans ce CSC Leganés qui est 19e aurait pu mériter de repartir avec au moins le point du nul tant ouais ils ont quand même embêté le Barça même si le Barça je l'ai dit a été au-dessus a dominé ce match a eu plus d'occasions nettes et franches et le ballon globalement, mais Leganés a vraiment fait un bon match. Vraiment, ça a été une très bonne équipe ce week-end. Mais voilà, le ballon de Barça qui a... Oui, bah, j'étais à 19e, c'est pour ça... Oui, s'il te plaît, ouais. Et... Non, mais ouais, Leganés qui n'est... Voilà, qui en plus qui est pas du tout largué dans la course au maintien, qui a 2 points du 17e, du premier non relégable. Donc c'est pour ça que c'est quand même dommage, je l'ai dit, par rapport à ce CSC, à ce but de gag, c'est dommage de perdre ce point du nul là-dessus et voilà de ne pas en profiter. Voilà puis côté Barça, bah voilà ils assurent l'essentiel avec ces 3 points et il garde 4 longueurs d'avance donc sur le Real dans la course au titre. Bon, c'est tout ce que je peux à peu près dire sur ce match, parce que oui, je l'ai dit, le Barça a été relativement dangereux, il y a eu un bon match de Jong, hein, qui l'a dit tout à l'heure en parlant de la Ligue des Champions, qui revient bien, je trouve, au milieu de terrain, qui a fait un gros match aussi ce week-end quand même face à Leganés. Voilà, bon match aussi globalement de Yamal, j'ai bien aimé aussi, même s'il n'a pas été décisif spécialement, mais ouais, mais Leganés, je l'ai dit, on a vraiment posé des problèmes au Barça, je l'ai dit, défensivement, offensivement, ils ont été dangereux aussi. Le Barça s'en sort bien quand même de gagner 1-0 ce match. Et le Real qui jouait à l'Aves hier, qui s'impose 1-0 dans la douleur, mais qui reste 4 points du Barça et qui attend le faux pas maintenant encore. Voilà, match un petit peu semblable à celui du Barça. Victor au forceps du Real grâce à un beau but d'Eduardo Camavinga à la 34e minute de jeu. Qui au-delà de ça d'ailleurs a fait un très bon match hein, au milieu de terrain, sûrement peut-être l'un de ses meilleurs de la saison, je trouvais que je l'ai trouvé très efficace. Lui qui est voilà assez moyen depuis le début de saison, et même chose pour Tchouaméni, je commence à le dire tout à l'heure. Tchouaméni qui a fait un excellent match, qui fait du bien, son retour fait vraiment bien, beaucoup de bien au Real et au milieu de terrain, dans l'aspect défensif, même aussi dans la construction du jeu. Sa vista est importante. Voilà, puis comment parler de ce match du Real sans parler de l'attentat oui. de Kylian Mbappé, ce carton rouge voilà qui est indiscutable hein. Ah oui, il y a rien à dire. Je pense que il y a rien à dire, cette semelle qui est totalement volontaire, en plus on le voit vraiment encore à vitesse réelle avec la langue de la caméra, on se disait bon c'était mal maîtrisé effectivement et que le carton jaune était logique mais sans plus. Mais voilà, on voit le ralenti avec la VAR, avec l'angle pile en face, non mais aussi voilà, on le voit qu'il joue pas du tout le ballon, que c'est pas du tout son souhait en plus, et c'est bien dommage, surtout qu'on a rarement vu Mbappé vraiment se laisser emporter comme ça un petit peu par une certaine nervosité. En plus le Real menait déjà 1-0, donc c'est vrai que c'était un petit peu malvenu. Alors je sais pas si c'est peut-être au match aller ce jour-là, non, qu'il avait taclé un petit peu un peu dur. Je crois, oui. Il me semble qu'on va chaler ces joueurs-là. Je sais pas s'il y avait un esprit de vengeance. Sûrement, parce que vraiment, je comprends pas pourquoi Mbappé aurait fait ça. Au-delà de ça. Ou est-ce qu'il y a eu des mots aussi, durant cette première période entre les deux joueurs? Je sais pas vraiment. J'ai pas vraiment le fameux de l'histoire. Mais en tout cas, Mbappé n'a pas à faire ça, bien sûr, sur le terrain. Vu le joueur qu'il est. Et même n'importe quel joueur, n'a pas à faire ça, bien sûr, sur un terrain de football. Maintenant, voilà. Il n'y a pas eu encore la décision exacte. Non, mais ça devrait être plutôt clément d'après le rapport que l'arbitre a fait, pourrait prendre entre 1 et 3 matchs, hein, donc on verra ça. En sachant que en Espagne, si tu prends plus de 3 matchs de suspension, la suspension vaut pour toutes les compétitions nationales. Ce qui voudrait dire qu'il pourrait manquer. Avec des champions. National, j'ai pas. Ah oui, non, pas la finale de la Coupe du Roi alors. Mais la finale de la Coupe du Roi, le Classico face au Barça. Ça dépend quand est-ce que. Non, c'est ça, mais Ouais, mais quand est-ce qu'il se joue, cette finale elle se joue tard. Donc, s'il prend quatre matchs, il la loupe, en fait. Il loupe la finale. Ah oui, c'est ce que, il y aurait ce serait le troisième, oui. A priori, ce serait entre c'est ce que disait aujourd'hui, c'est entre 1 et 3 matchs. Même ces trois matchs de suspension, ce serait que pour le championnat que ça vaudrait. Donc, même si le Barça arrive entre ces suspensions-là. Il pourra jouer en Coupe du Roi. Bon, ok. Mais, voilà, c'est pour la petite histoire. Mais honnêtement pour moi il devrait prendre au moins 3 matchs parce que vraiment c'est dur. J'aime bien Mbappé, je veux dire, si je l'ai retenu personnellement, au contraire, on lui doit beaucoup, nous en tant que Français en plus, voilà. Mais sur cette faute là il n'y a rien à dire, encore une fois la volonté de faire mal est là, la volonté du geste est là, on le voit vraiment faire cette semelle vraiment sur le haut du tibia avec la cheville en plus qui prend un peu sur, parce que avec l'appui qu'il fait sur le tibia du joueur, j'ai plus son nom d'ailleurs, au joueur d'Alaves, mais sa cheville tourne un peu, alors il n'a pas été trop blessé pour autant, mais la cheville tourne sur le moment, donc ça aurait pu être un peu plus grave aussi. Donc non, pour moi, au moins 3 matchs seraient largement justifiés. Blanco, ouais. Blanco, voilà. Pour moi, ce serait largement justifié. Et voilà, puis pour terminer sur ce match-là, Alaves qui, voilà, en super retenue numérique, va se procurer quelques occasions. Mais rien de bien dangereux non plus, et puis carton rouge ensuite à venir de leur côté, un peu du même ressort hein, de Manu Sanchez qui va mettre une semelle sur le mollet aussi de Vinicius, Donc un petit peu ouais, du même ressort, Vinicius qui partait au but et voilà, qui prend cette semelle de Manu Sanchez à la 70e sur le mollet. Donc carton rouge mais aussi mérité pour lui. Donc voilà, une victoire, hein, comme j'ai dit, au forceps du Real, très semblable à la victoire du Barça face à Leganés. Bah, Real bien sûr toujours dans la course au titre avec, je l'ai dit tout à l'heure, 4 points de retard quand même encore sur le Barça. Et voilà, et puis je le disais aussi encore tout à l'heure quand on parlait, quand on débriefait la Ligue des Champions, c'est pas non plus une prestation, il y a pas non plus de quoi se rassurer dans l'optique de la remontada, du projet remontada contre Arsenal mercredi. Même si je l'ai dit, je trouve que le milieu de terrain fait un bon match globalement, Camavinga, Tchouaméni, même Valverde, je l'ai trouvé assez concentré, assez bon. Il a tenté une frappe de loin, ce qui est un petit peu sa spécialité aussi, qui n'est pas passé loin. Mais notamment offensivement, ça n'a pas non plus été un gros match de la part du Real. 10 cartons, hein, dans ce match, c'était un match tendu. Hein. Au-delà des deux rouges, il y a eu 8 jaunes, 4 de chaque côté, c'était un match quand même tendu. Très bien, le classement, donc le Barça 70 points, le Real 66, Atletico 60 en attendant le match qui est en cours, Atletico Bilbao 4ème 57. En bas, Las Palmas, Leganés, voilà, c'est encore jouable largement. Valladolid 16 points, ça semble trop compliqué maintenant. Les matchs à venir, le Barça recevra Celta Vigo samedi à 16h15. L'Atlético sera à 21h face à Las Palmas à l'extérieur et puis Real recevra Bilbao dimanche soir. Voilà pour l'Espagne. L'Angleterre, on débrief cette journée, c'était la 32e. 21h40, allez, une minute par match, on n'a pas beaucoup de temps là, il faut qu'on aille vite. City, Crystal Palace d'abord, victoire 5-2, ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu City quand même marquer autant de buts, qui était pourtant mené 2-0. C'est ça, Palace qui commence fort ce match en mettant ces deux buts là, assez tôt, comme je l'ai dit, à la 8e minute de Eze et 21e de Richards. City qui ne voyait pas le jour du tout et vraiment catastrophique en défense. Et même si City entre-temps a touché un montant, hein, entre ces deux buts, et ils sont surtout pas été, ils sont pas passés loin du 3-0, hein, Palace, juste avant la demi-heure de jeu à la 28e, 29e, mais but qui est refusé pour hors-jeu. Et puis dans la foulée, hein, de ce troisième but refusé, City qui va se réveiller et marquer coup sur coup pour égaliser avec d'abord un magnifique coup franc de Bruyne, et puis la pépite, le prince égyptien Marmouche qui surgit quelques minutes après pour le deuxième but Citizen. Et ça fait 2-2 et puis City ça fait 2-2 à la mi-temps et City qui va redevenir un peu une machine à marquer en seconde période face à une équipe de Palace qui a pris un sacré coup sur la tête, hein, avec cette égalisation quasi coup sur coup en fin de première mi-temps. Et voilà, une victoire logique de City au final, hein, après cette réaction. On a retrouvé un City très conquérant, hein, franchement, après. Ça faisait longtemps, ouais. Ça faisait longtemps, City à réaction, hein, parce que encore une fois, quand même prendre deux buts assez tôt dans le match, comme ça, et revenir aussi fort dans un match, c'est pas donné à tout le monde non plus. Donc on avait un bon City aussi avec 5 buteurs différents, c'est aussi à noter, hein, De Bruyne, Marmouche, Kovacic, Makati et le jeune Aurélie, je sais pas comment on dit, pardonnez-moi. Elle attend d'enfant. Exactement. Un très bon résultat de City dans la course à la C1, même s'ils sont cinquième. L'Angleterre aura 5 places qualificatives minimum pour la Ligue des Champions. Donc c'est qualificatif, mais ils sont pas à l'abri non plus. Hein. Derrière, c'est directement. Il n'y a pas de barrage pour les Anglais. Ouais, c'est ça. Très bien. On continue avec rapidement Arsenal Brentford 1-1. Arsenal qui décide 2 points. Bon, alors après, c'est pas non plus une catastrophe. Pour le titre, c'était déjà fini. Puis pour la 3ème place, 4ème place, 5ème place, il y a quand même suffisamment d'avance, quand même. D'aller au Real. Oui, c'est ça. Il n'y a pas énormément de choses à retirer de ce match, dans le sens où, bien sûr, il y a eu un certain turnover côté Arsenal, quand même. Après, il y a eu pas mal de changements à l'heure de jeu, notamment, parce qu'il y avait quand même des titulaires, habituel au coup d'envoi. Je pense à Saliba, à Declan Rice, potentiellement Martinelli devant, même Zinchenko ou Tierney, ou Kivior en défense, défenseur polonais. Mais voilà, Arsenal qui a quand même fait tourner voilà, qui n'a pas essayé de forcer. De toute façon, je pense que ça fait quelques matchs qu'ils ont dit adieu au titre définitivement avec voilà, l'avance qu'avait et qu'a Liverpool. Encore plus avec ce match nul une nouvelle fois subi par les Gunners. Donc voilà, Arsenal qui a ouvert le score à l'heure de jeu par Thomas Partey, une égalisation de Wissa, l'ancien Lorientais, je crois. Oui, l'ancien Lorientais, je ne me trompe pas. Au point de fort, ouais, tout à fait, qui égalise voilà, une dizaine de minutes plus tard, hein, partout. Arsenal, voilà, qui n'a pas, évidemment, qui n'a pas voulu forcer dans l'optique d'aller définitivement chercher cette qualif en demi-finale de Ligue des Champions. Voilà, pas grand chose à retirer, ils sont à 6 points d'avance sur Forest, ils sont deuxième Arsenal, donc voilà, c'est pas du tout une catastrophe, un résultat nul voilà, dans la course au titre qui est dorénavant quasiment perdu, de toute façon on le savait, donc voilà, ils vont pouvoir maintenant se concentrer à 100% bien sûr sur le match retour à Bernabeu, c'est demain, non mercredi. C'est mercredi. Liverpool vient pas de plus faire le titre avec cette victoire face à West Ham. Il a fallu attendre les dernières minutes pour accueillir cette victoire. Il manque plus que 6 points maintenant à Liverpool pour être mathématiquement sacré. Exactement, exactement. Liverpool qui a commencé fort ce match avec beaucoup d'ambition, qui a été très dangereux dès les 15 premières minutes. Et Liverpool qui a été récompensé à la 18e de ce très bon début de match avec l'ouverture du score signé Luis Diaz. Voilà, puis la poussée de West Ham est récompensée. À leur tour, tardivement, à la 86e, West Ham qui était bien revenu en seconde période. Liverpool qui avait complètement lâché beaucoup de l'Est lors de la deuxième mi-temps. Et donc, ouais, West Ham qui a recommencé à la 86e avec le CSC de Andy Robertson. Et dans la foulée, Luis Diaz qui va voir sa frappe détournée par Wan-Bissaka et rebondir sur la barre avant que Van Dijk, ensuite, quelques secondes après, vienne chercher la victoire sur une tête puissante sur corner. Ça fait 2-1 pour Liverpool et pourtant encore dans la foulée de ce second but liverpoolien, West Ham qui revient à la charge pour essayer d'aller arracher le nul, mais va toucher la barre. Voilà, donc West Ham qui est passé à deux doigts d'accrocher Liverpool à domicile et Dieu sait que c'est compliqué cette saison. Mais voilà, Liverpool qui s'en sort bien quand même dans ce match avec cette victoire, ses 3 points. Et comme tu l'as dit, qui se retrouve maintenant à 6 points officiellement du sacre en Première Ligue, même si c'est presque fait. C'est écrit. Voilà. C'est la mi-temps, ça va reprendre dans quelques secondes entre Bastia Laval et entre Naples et Empoli, et puis ça va être la mi-temps pour l'Angleterre et pour l'Espagne. Voilà, pour l'instant, où est-ce qu'on en est dans ces matchs. Un dernier match, c'est Newcastle qui s'impose face à United. Alors, on a parlé de United avec Lyon tout à l'heure, qui en prend 4 encore à Newcastle, 4-1. Et Newcastle, bah voilà, mine de rien, qui petit à petit grappille, et là, il se retrouve 4e. Entre Nottingham Forest, entre City et bah, qui est un vrai prétendant à la Ligue des Champions maintenant. Bien sûr, ouais, Newcastle qui a surclassé United, même si on va dire qu'en première période il y avait un petit peu d'occasions de part et d'autre quand même. United se montre un petit peu dangereux, et c'est comme ça qu'ils ont égalisé d'ailleurs à la 37e grâce à Garnacho. Il y a eu des bons mouvements aussi, hein. United, il y a une action, alors je me rappelle plus du tout des joueurs, etc., mais très très bien amené, notamment dans la surface, techniquement c'est très fort. Il va y avoir Garnacho dans l'eau, bien sûr, Sexé et sûrement Fernandez, voilà, techniquement c'est très fort avec des très bons automatismes, mais ça n'a pas du tout suffi. J'ai dit Garnacho qui égalise à la 37e, puisque Tonali avait ouvert le score à la 24e, t'as superbe but aussi. Et puis seconde période, voilà, totalement dominé par Newcastle, avec un doublé d'Harvey Barnes, qui a été aussi excellent une nouvelle fois dans ce match, déjà la semaine dernière, mais là aussi. Il marque un superbe doublé, et puis Guimaraes qui vient vraiment sceller définitivement la victoire et la supériorité de Newcastle à la 77e, ça fait 4-1. Et tu l'as dit, Newcastle, bien sûr, plus que jamais dans la course à la Ligue des Champions, même si ça reste très serré de la 3e à la 7e place. Hein, ouais, c'est ça. Il y a 3 points d'écart. Avec 3 points. Et 3 points d'écart. Nottingham qui est 3e avec 57 points. Newcastle est juste derrière avec 56 points, 1 point d'écart. Et assez serré là-dedans, mais c'est une victoire très importante pour Newcastle. C'est aussi une victoire large, importante pour le goal average. On en parle beaucoup ici aussi de l'importance, évidemment, de la différence de but. Mais ouais, très belle victoire de Newcastle et qui enfonce un peu plus United dans sa saison cataclysmique. Et Newcastle en plus qui jouera son match de retard face à Crystal Palace mercredi, hein, mercredi soir, et qui aura l'occasion de passer troisième devant Nottingham Forest en cas de succès. Donc Là, c'est vraiment important ce qui va se passer mercredi pour eux. Et puis un dernier résultat, c'est Chelsea qui perd gros dans ce week-end puisque tout le monde a gagné finalement dans ce petit paquet. Hein. On n'a pas parlé d'Aston Villa, mais qui a gagné aussi à Southampton, donc déjà relégué. Hein, mais voilà, donc Aston Villa a gagné, City a gagné, Newcastle a gagné, Forest a perdu par contre, mais qui était déjà devant. Mais Chelsea qui fait la plus mauvaise opération dans ce match nul face à Ipswich, en plus un relégable, hein, donc c'est vraiment un mauvais résultat pour Chelsea qui perd deux points. Un relégable et déjà relégué. Pratiquement, ouais, c'est il y a 14 points de retard sur West Ham, donc oui, ça semble très compliqué maintenant. Et surtout que Chelsea était mené 2-0 dès la demi-heure de jeu. Ouais, ils ont été et Chelsea en tout a quand même frappé 34 fois au but. C'est énorme. Et 13 fois Ipswich, c'est plus que le double. C'est énorme. Mais ouais, ça n'a pas suffi. Et là, Chelsea qui est grand perdant de ce week-end en première ligue. Liverpool, donc, est en tête 76 points. Arsenal a deuxième avec 63 points. Forest, 57. Ensuite, tu l'as dit, Newcastle, 56. City, 55. Chelsea, 54. Villa aussi, 54. Puis après, il y a un fossé pour le reste. Fulham, 48. Brighton, 48. De toute façon, hein, on rappelle que tu l'as dit, 5 premiers qui se qualifient. 6e en Ligue Europa. Et puis après, ce sera les coupes. Donc, ça pourra permettre à un 7e peut-être de se qualifier, donc faut rester là, mais pour les autres, à partir de 8-9, ça semble compliqué. Puis en bas, Southampton déjà relégué, donc 10 points. Pour l'instant, le record est en cours. Il reste encore 6 journées pour ne pas battre ce record. Leicester, 18 points, c'est pratiquement fait. Ipswich, pareil, 21, ça semble très compliqué maintenant pour se maintenir. Ce week-end, pas de choc, hein. Pas de gros choc. Pas de gros choc. On peut noter Aston Villa, Newcastle, hein, pour la course à l'Europe, la course à la C1. Le 7e contre le 4e, il n'y a que 2 points d'écart. Oui. Donc oui, c'est un match important pour ça. Et après, pas de grosses affiches, mais ouais. Si on doit noter un match intéressant et important là-dessus, enfin en tout cas entre deux adversaires directs au classement, ouais, c'est Villa contre Newcastle. C'est ça. Et puis Leicester est en train de se rapprocher un peu plus du titre à Leicester. Ce sera dimanche, pendant qu'Arsenal ira à Ipswich, justement. Très bien, eh ben, on suivra tout ça ce week-end. La France maintenant, alors on n'est pas en avance, hein, 21h51, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses avec aussi la Ligue des Champions. C'est la mi-temps en Angleterre, en Espagne, ça a repris en Ligue 2 et en Italie pratiquement, c'est pas encore tout à fait le cas, mais ça va reprendre dans quelques secondes. On est en train de tranquillement s'installer. La France, rapidement, en national... Tiens, un petit mot de Bordeaux. Hein. On rappelle qu'il y a un National 2 qui avait remporté un succès important la semaine passée à Saint-Privé, hein, à côté d'Orléans, 2-1, qui s'est imposé face à Saint-Malo, ultra important 1-0, puisque Saint-Malo était juste devant. Alors, ils sont toujours devant, mais désormais, il n'y a plus que 3 points d'avance. Donc, Bordeaux qui a fait un grand pas avec cette victoire. Mais rien n'est fait encore. Hein, ils sont toujours... on rappelle que le premier uniquement monte. Hein, donc, 5 points de retard sur Saint-Brieuc, qui s'est imposé extérieur. Ça va être compliqué quand même. Hein. Ça va être compliqué. Il reste encore 5 journées, donc rien n'est fait. Bordeaux va à Saint-Brieuc, justement, samedi après samedi soir. Il faudra absolument gagner. Et après, bah, espérer que derrière, défaut pas. Mais c'est un match très important. Une défaite, ce sera quasiment fini. Enfin, oui, une défaite, c'est et pas... justement, bah, le président, le propriétaire, Gérard Lopez, qui s'est pas dédouané, mais comment dire, pour pas prendre trop de risques, il a dit que en gros, son plan, c'est chaque année de se donner 2 ans, enfin 2 ans pour monter de division en division pour retrouver la Ligue 1. Voilà. Okay. Donc c'est en gros pour se dire voilà, oui. Ne tombez pas dessus si là on le fait ça pas, fait pas. Saint-Brieuc, enfin si on monte pas cette année, on se donne 2 ans par 2 ans pour remonter petit à petit. Bon. Et il a aussi démenti une potentielle vraie offre réelle de Oliver Kahn de la reprise pour le rachat du club. Alors que la rumeur tournait pas mal là ce week-end, ces derniers jours, comme quoi Oliver Kahn aurait fait une offre. Parce que Gérard Lopez, alors même si on doit, je pense que depuis le temps on peut se méfier un petit peu de. Il y a des déclarations de Gérard Lopez, mais c'est quand même ce qu'il a annoncé. Très bien. Bon, bah Bordeaux, en tout cas, une défaite et ce sera terminé. Il y aura 8 points de retard, ce sera trop loin, donc il faut gagner absolument pour eux. National, c'est fini aussi pour l'USO, qui a plus d'espoir de monter. Une défaite face au Mans 2-1, qui est désormais à 8 points, 9 points même de Boulogne 3e, donc voilà, c'est trop loin maintenant. Dijon, ça va être trop compliqué aussi, avec 8 points de retard. Nancy 52, Le Mans 48, Boulogne 48, il y en a un des trois qui devra jouer un barrage face au 18e de Ligue 2, donc pour l'instant c'est Boulogne qui est à cette place, mais rien n'est joué. dans cette fin de championnat. Et en Ligue 2, en revanche, c'est bien avancé hein, pour Lorient, pour Paris SC, Metz, 64 points pour Lorient, 61 pour Paris, 60 pour Metz, 9 points d'avance sur Dunkerque, 4e. Voilà, ça semble aussi trop compliqué maintenant. Hein. Je disais le 18e de Ligue 2, pardon, le 16e de Ligue 2, hein, puisqu'on est dans un championnat à 18 en Ligue 2. Oui, ça semble aussi bien avancé, hein, puisqu'il reste 4 journées. 9 points d'avance, c'est bien engagé. Donc pareil, un barrage pour le 3e, pour l'instant c'est Metz qui a cette place. Donc tout en semble encore possible, mais pour l'instant, bel avantage pour Lorient. Paris FC avec un point d'avance pourrait y être directement, mais il faudra tenir pour cette équipe. Et enfin la Ligue 1, c'est parti pour notre débrief de la 29e journée. Pareil, 21h54, on va pas prendre plus d'une minute par match parce qu'on va vraiment être à la bourre. Vendredi, on démarre avec Reims qui se déplace à Lens. Lens qui a peut-être dit adieu hein, à cette dernière chance d'Europe avec cette défaite face à Reims qui de son côté prend 3 points très importants pour le maintien. Ouais, je m'attendais à ce que Lens fasse un meilleur match que ça, et pourtant ils avaient fait une bonne première période globalement, un meilleur match que ça. Lens a quand même beaucoup poussé dans ce match hein, mais a fait preuve d'une inefficacité remarquable. Ah oui, là c'est fou. 37 tirs. Oui, 37 tirs, c'est gigantesque. 14 cadrés, c'est pas mal. C'est même pas la moitié. Reims a cadré que deux fois. Hein. A cadré que deux fois pour marquer deux buts, voilà. Effectivement, sur 10 tirs au total. Et gardien rémois Diawara qui a fait quand même 14 arrêts dans ce match. On ne peut pas dire ça non plus. Hein. Il a quand même fait 14 arrêts, le gardien rémois. Qui n'y est évidemment pas pour rien dans ce succès des Marnais, évidemment, qui fait du bien pour cette équipe, et ce doublé de Nakamura aussi, bien sûr, qui a fait un gros match, qui a fait son match, et ce qui permet à Reims, on va dire de se faire un petit peu bien, de prendre un petit peu d'air sur le maintien, même si évidemment rien n'est fait du tout, puisque la place de barragiste occupée par Le Havre est à 2 points de moins seulement derrière. Donc voilà, mais en tout cas dans cette optique-là, pour un dernier rush final, c'est une victoire qui quand même, je pense, peut faire du bien pour tout le monde dans les têtes, pour le double buteur notamment, et pour toute l'équipe, pour le gardien aussi qui se rassure. Gilles Diawara, c'est l'entraîneur, hein, c'est Diouf, hein, le gardien, oui. Autant pour moi. Mais voilà, une belle victoire de Reims. Lens peut s'en mordre les doigts, effectivement, tu l'as dit, dans la course à l'Europe, où là, c'est quasi terminé pour eux, il y a trop de retard. 2-0, donc victoire de Reims. Samedi, Monaco recevait Marseille sur ce choc de tableau. Victoire 3-0 de Monaco, hein, qui reprend cette deuxième place. Et on a vu un Marseille, un petit Marseille, hein, sur ce match face à Monaco. Un petit Marseille, effectivement, même si en première mi-temps, c'était serré quand même. Il y a l'ouverture du score de Minamino, quand même fait un peu de mal forcément dans les têtes olympiennes, mais il y a eu de la réaction quand même derrière, avec ce gros manqué de Luis Enrique, hein. Devant le but quasiment vide, enfin si ce n'est vide, Keun revenait un petit peu dans son but, et il loue complètement sa reprise. Enrique, je pense que c'est quand même le tournant du match. Au-delà du premier but monégasque, je pense que c'est un tournant. C'est forcément un tournant. Tu loupes cette égalisation quelques minutes avant la mi-temps, où ça pouvait vraiment te remettre tranquillement les idées en place, reprendre la seconde période entre guillemets à 0-0. Marseille perd 1-0 à la mi-temps, et puis Marseille s'effondre totalement en seconde période. Après. L'OM joue sans véritable défenseur central, c'est déjà quand même un problème. Il y a des absents, bien sûr, mais même si Cornelius est loin d'être le plus grand défenseur du monde, je pense que quand t'as plus qu'un seul défenseur central, encore une fois, comme la semaine dernière, qui est opérationnel, je pense qu'il faut le mettre, surtout quand tu joues avec 3 défenseurs centraux, enfin en tout cas une défense à 5 avec 2 pistons, mais quand tu vois 3 centraux, essaye au moins de mettre un central de métier. Mais l'OM qui a complètement sombré, et puis Monaco qu'on a profité, hein, avec Mbolo 59e, et puis Zakaria sur penalty, Zakaria fin deuxième. Après, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, moi. Ouais, j'ai trouvé de ce match. J'ai trouvé pas mal l'entrée de Guiri là, qui rate en tout cas. Surtout c'est l'arrêt du Kun qui est énorme, mais qui aurait pu revenir à 2-1 à ce moment-là, hein, l'entrée de Guiri qui a fait du bien. C'est vrai que j'ai du mal en avant-match à comprendre la titularisation de Jonathan Rowe en pointe. Complètement, ouais. On l'a pas vu du tout en premier. Après, même si Gouiri là, il marquait un peu moins, il était moins décisif sur les 2-3 derniers matchs, mais depuis son arrivée encore une fois cet hiver, il a quand même fait le job et montré que il pouvait être régulier et efficace devant, quoi. Ouais, il est rentré, il a fait du bien et il a cette occasion qui peut relancer le match. Bon. Philippe Kahn a fait un beau match. Hein. Bon, il a la semaine passée, les deux buts sont un peu pour lui pour Brest contre Brest, mais là c'est lui qui fait l'arrêt qu'il faut au bon moment. Ouais. Mais ouais, il a fait du bien, mais c'était trop léger pour globalement sur l'ensemble de l'équipe pour être suffisant, c'est sûr. Effectivement, d'un point de vue comptable, mathématique. Monaco qui passe devant, hein, donc Marseille, on n'est plus tout serein du tout, quoi, parce que Strasbourg qui est 6e actuellement n'est qu'à 2 points. Donc, c'est serré partout. Ils pourraient se montrer un peu confiants encore quelques semaines potentiellement pour se dire on va finir dauphin du PSG, tranquillement, parce qu'on est la meilleure équipe, on va dire, dans le jeu, etc. Pas du tout. Pas du tout, ça va se batailler jusqu'au bout. Et rien n'est fait pour l'OM. Hein. Et attention à ne pas que cette saison vire à la catastrophe. Hein. Parce que, encore une fois, rien n'est fait. Ouais, on sait qu'à l'OM, ça part vite, justement, en sucette, ça peut vite partir. Et attention à ce que cette fin de saison qui s'annonçait tranquille, je l'ai dit encore il y a encore quelques semaines, là, elle n'est plus du tout tranquille. Et attention, attention. Montpellier, donc, à domicile pour ce week-end. Lille, c'est peut-être le match pour se remettre dedans. Ouais. C'est ça. Lille qui gagne à Toulouse aussi, qui devait gagner pour suivre le rythme devant. Chose faite pour Lille, qui avait perdu la semaine passée à Lyon, donc il fallait rebondir. C'est fait face à une équipe de Toulouse qui ne joue plus grand chose, mais qui a quand même embêté un petit peu les Lillois. Ouais, Toulouse qui a largement embêté les Lillois, même si Lille s'est montré plus impactant dans la finition, plus réaliste, hein, tout simplement. Mais le TFC qui a quand même touché 2 fois les montants en première période et qui a forcé Lucas Chevalier à s'employer en seconde période 3-4 fois, hein, quand même, en plus d'affilée. Hein. Il y a eu pas mal d'occasions, en milieu de période, en milieu de seconde période. Lille avait fait le job en première mi-temps, en marquant ces 2 buts-là, même s'ils en ont encaissé entre-temps par Cresswell côté Toulouse, mais Lille s'est un petit peu fait peur quand même, hein. Encore une fois, Chevalier a dû s'y prendre à plusieurs reprises. Moi j'ai quand même envie de parler aussi un peu de Jonathan David, hein, qui est en pas très grande forme, pas très français ce que je viens de dire, mais qui n'est pas en très grande forme récemment, qui marque plus depuis quelques temps. C'est un peu à l'image de Lille, même s'ils ont gagné sur ce match. Ça montre aussi, même s'ils ont été réalistes, je l'ai dit, dans l'ensemble sur ce match, mais ça montre aussi pourquoi Lille s'est aussi fait peur sur ce match-là. Tu l'as dit, face à une équipe qui n'a plus rien à jouer autre que milieu de tableau et de finir le plus haut possible. Mais c'est aussi une question à se poser de l'état de forme de Jonathan David. En tout cas, Lille qui revient cinquième avec ce succès. Et qui a profité du coup du match nul entre Strasbourg et Nice, qui était samedi soir 2-2. Match nul qui arrange forcément Lille, qui arrange Lyon, qui arrange Marseille, Monaco. Ce match nul, Nice qui égale sur vraiment la dernière, toute dernière seconde. Strasbourg a cru longtemps s'imposer et continuer sa série, hein, qui était sur une série de 5 victoires. Ça se stoppe là, mais ça reste quand même un point important pour Strasbourg. Exactement, ça reste un point important, bien sûr, dans la course à l'Europe. Pour Strasbourg, tu l'as dit, ils pouvaient et devaient effectivement remporter ce match ou espérer mieux que ce match nul, parce que oui, sur l'ensemble du match, Strasbourg s'est montré plus dangereux, plus dangereux sur certaines occasions, même si Nice a tiré plus de fois au but. Mais c'est vrai que Strasbourg, peut s'en mordre les doigts de prendre ce but à la dernière minute, dans les derniers instants de ce match, 90-4. Et Nice, oui, aussi, quand même, qu'a tiré, je t'ai dit, beaucoup de fois au but par rapport à Strasbourg. Vous pouvez espérer de repartir avec ce match nul. C'était un match engagé, forcément avec beaucoup d'enjeux de part et d'autre, on l'a dit, pour l'Europe, pour la Ligue des Champions. Donc en même temps, ça reste assez logique, ce match nul, sur l'ensemble du match. Et c'était d'ailleurs une très belle confrontation entre ces deux adversaires directs au classement. Et Strasbourg qui a plus perdu quand même depuis début février. Hein. C'est incroyable hein. le travail du coach Rosenior. Puis je le disais aussi la semaine dernière, encore une fois, hein, on sent que l'ambiance dans l'équipe est très bonne et ça se ressent sur le terrain et c'est pour ça que ça fonctionne aussi autant. Il y a le point de vue tactique bien sûr et talentueux et de ce que peut nous proposer le jeu strasbourgeois, mais encore une fois, l'ambiance qui a l'air d'avoir dans ce vestiaire est aussi très importante et a l'air très bonne. Donc je pense que ça penche beaucoup dans la balance aussi. Dimanche hier, Saint-Étienne-Brest débute du spectacle dans ce match. 2 points de perdu pour Brest, bien sûr pour l'Europe, même si c'est pas encore perdu, mais bon, c'est quand même 2 points importants. Pour Saint-Étienne, par contre, 1 point important en vue du maintien, pour venir à 3 points du barragiste. Donc pas de vainqueur dans cette rencontre. But à Bastia, pardon. Ça fait 2-0. Ça fait 3-1, ça fait 2-0 pour Naples aussi qui a marqué. Il y a eu des buts tiens, très très rapidement là en peu de temps. Donc Naples 2-0. Le deuxième but c'est pour Lukaku, voilà, qui était passeur décisif, qui marque cette fois. Et puis pour Bastia ça fait 3-1. À l'instant c'est ça, 3-1 donc dans cette rencontre. Donc 2 buts coup sur coup dans ces 2 matchs. Donc voilà, je disais avec Saint-Étienne-Brest 3 partout. Je dis du spectacle dans ce match, beaucoup de buts. Saint-Etienne qui a remonté 3 fois, hein, parce qu'ils ont été 3 fois menés au score par les Bretons. Et puis ouais, un bon point pour Saint-Etienne de prix forcément dans ce match, du point de vue de la physionomie et forcément du point de vue de l'espérance du maintien. Il y a 3 points de retard maintenant sur Le Havre qui est barragiste. Donc c'est un bon point pour eux et un mauvais point pour Brest qui voilà. Je pense dit définitivement adieu à l'Europe. Ça va être compliqué d'aller chercher cette 6e place en tout cas. Peut-être la 7e, mais encore si ça va être compliqué hein, d'aller choper cette 7e place. Donc c'est que pour Brest, c'est un très mauvais résultat. Et surtout, comme je l'ai dit, ils ont mené 3 fois dans ce match. Voilà, c'est une équipe de Saint-Etienne quand même très friable en défense. C'est regrettable pour les Brestois, je pense, de pas remporter ce match. Encore une fois, quand tu mènes 3 fois et que tu fais reprendre 3 fois, c'est un très mauvais résultat pour les Brestois. Le Havre-Rennes maintenant, carton de Rennes face à Stig Bjørn qui restait sur 2 victoires, hein, 2 succès. Voilà, ils ont été cueillis par Rennes très tôt. Face pour Rennes, bon, voilà, c'est un maintien quasi assuré de cette victoire, 5-1, ça fait du bien pour Rennes. Oui, là c'est un maintien assuré pour Rennes, qui commence à se glisser un petit peu dans le ventre mou de ce championnat, qui n'a plus grand chose à jouer. C'est-à-dire un carton, hein, la patte à Bidey qu'on avait ressenti dans ce match avec un 3-0 d'heure de jeu, hein, quand même. Ça arrivait rapidement. Ils ont ensuite géré ce match et puis. Enfoncer le clou jusqu'à marquer ces 5 buts là. Voilà, puis tu as dit un coup d'arrêt pour Le Havre, hein, cette lourde défaite et qui ne va pas les arranger du tout. Je t'ai dit Le Havre qui est barragiste et 16e et surtout qu'ils ont un calendrier dingue pour terminer Le Havre et ça va être compliqué. C'est pour ça que c'est peut-être aussi une bonne chose pour Saint-Etienne derrière, c'est que Le Havre va jouer Paris ce week-end, ensuite il joue contre Monaco, ensuite Auxerre, ensuite Marseille et enfin Strasbourg. C'est vrai que c'est 4 contendants de l'Europe, ouais. C'est 5 matchs énormes qui vont venir pour eux. Et c'est pour ça que pour le maintien, ça va être très très dur. Pour Le Havre, je dis pas que c'est impossible, mais sur 5 matchs là, je choper déjà au moins 3 points, c'est compliqué. Face à Auxerre peut-être, parce que Auxerre jouera plus rien. Mais face aux 4 autres, ça semble compliqué. Et en plus, ils ont une différence de but qui est horrible, hein, moins 30. Hein. Quand tu vois Reims qui a moins 11, ça leur fait presque un point de moins. Hein. C'est ça, puis si Saint-Etienne, enchaîne peut-être un ou deux bons résultats en fin de saison. Ouais. Ils peuvent même perdre, tout perdre. Parce que Saint-Etienne, j'ai pas regardé le calendrier, mais on peut jeter un coup d'œil rapidement. Lyon, ouais, ça c'est le choc de derby là. Il y a Strasbourg encore, Monaco aussi. Il y a Reims, concurrent direct, et Toulouse. Ah, ils n'ont pas un calendrier facile non plus, hein. Ils jouent trois gros aussi comme Le Havre. Ouais, Ouais, c'est vrai. Reims aussi qui joue probablement le maintien jusqu'au bout. Et puis il y aura face à enfin pour finir, il y aura j'ai dit quoi, Toulouse qui jouera plus rien, mais voilà, ouais, les quatre prochains matchs sont énormes aussi pour Saint-Étienne. Donc ouais, c'est pas, ça va être ouais, je sais pas trop ce qui peut se passer, mais c'est peut-être Reims qui a le meilleur calendrier finalement parmi ces équipes là, donc on verra ça. Ouais, Reims Toulouse ce week-end, après ils auront Montpellier. Après Nice, ça dépendra où on en sera dans le classement. Ouais. Après il y a Saint-Étienne, hein, on l'a dit, donc ce match capital sur le maintien, on sera non plus à ce moment-là, mais et ils termineront par Lille. C'est ça. Ce sera pas simple non plus. Donc c'est pas non plus hyper simple pour Reims, mais c'est plus abordable effectivement le calendrier rémois par rapport au calendrier havrais ou stéphanois. Ouais. Tout à fait. Bon, on suivra tout ça match par match évidemment. Angers Montpellier, on va en parler tout de suite. Voilà, Montpellier une nouvelle fois qui s'incline, qui désespérément sombre dans cette dernière place. Pour Angers, trois points importants justement. On parlait de Reims, on parlait du Havre. Il y a Angers qui est juste devant. Nantes aussi, hein, tout ça c'est pas sauvé. Avec un doublé d'Esteban Lepol, passé par l'USO quelques années, c'est lui qui signe ses deux buts, ce doublé, et qui permet de prendre trois points très importants. Et ça, Angers qui renoue avec la victoire après 5 défaites d'affilée en Ligue 1. Et puis sinon, 7 matchs sans victoire. En tout cas, ils avaient pu gagner depuis le 16 février. C'est une victoire face à Reims d'ailleurs aussi, un adversaire direct pour le maintien. Mais ouais, Angers qui a fait le job en première période en marquant vite grâce à Lepol, hein, qui marquait d'ailleurs un doublé à la deuxième et à la 43e minute. Et voilà, Angers après qui s'est contenté de gérer la seconde période, face à un Montpellier toujours aussi impuissant, inoffensif, offensivement, et toujours aussi désastreux globalement dans son jeu. Donc une victoire importante pour Angers, je l'ai dit, toujours dans cette lutte pour le maintien, pour peut-être relancer une nouvelle dynamique. Je sais pas, pareil, quel est le calendrier à venir pour Angers, j'ai pas regardé. Il y a des matchs. Ouh, tout le monde a un gros calendrier en bas. Hein. Ouais, c'est un peu ça. Nice ce week-end, Angers-Lille ensuite. Après, il y aura Nantes, c'est abordable. Direct. Et deux derniers matchs, Strasbourg-Lyon. C'est vrai que 4 gros. Puis Nantes, c'est un concurrent direct. C'est vrai, c'est 5 gros matchs. Ouais. C'est que des finales pour les 3. Ça va être compliqué. Hein. Donc c'est pour ça qu'au-delà, encore une fois, cette Ligue 1, de cette course à l'Europe. Le maintien va être très intéressant aussi parce que tout le monde va jouer des gros ou des adversaires directs. Donc c'est ça va jouer peut-être jusqu'au bout, hein, ce maintien aussi entre Saint-Étienne, Reims, Angers, Le Havre bien sûr. Ça va être intéressant de suivre ça jusqu'au bout. Ouais. Et pour Montpellier, 10e défaite consécutive et la prochaine journée pourrait déjà être la dernière. En tout cas, ce sera peut-être officiel, quoi. Officiellement peut-être la semaine prochaine. Ce sera fini complètement. On suivra évidemment ça. Et puis enfin Lyon qui a été s'imposé à Auxerre et qui revient à un point du podium. Ça y est, ils y sont, les Lyonnais. Ils s'en sont rapprochés il y a quelques journées. Là, ils y sont avec ce succès important à Auxerre chez un des clubs qui ne joue plus rien. Tout à fait. Tout s'est joué en seconde période. Même si la première période n'a pas été mauvaise, ou en tout cas fermée, Lyon a été plutôt dans le coup en première période, mais Auxerre s'est montré plutôt solide défensivement, le gardien aussi. Il a fallu un petit peu, ce penalty transformé par Miko Tadze, qui a un petit peu débloqué la situation et débloqué peut-être un petit peu les esprits côté lyonnais. Ensuite a marqué assez rapidement à son deuxième le 2-0 grâce à Ryan Cherki. Il y a eu cette réduction du score ensuite à 117e de Sinayoko pour Auxerre et puis la casette qui vient sceller la victoire lyonnaise. Voilà, logique quand même dans ce match. Lyon qui a dominé, qui a eu le ballon, même si Auxerre a eu aussi des opportunités, il y a eu du répondant. Mais tu l'as dit, Auxerre, qui encore une fois n'a plus rien à jouer dans ce championnat, qui est cantonné à cette 10e place, qui est bien installé ici dans le ventre mou du championnat. Mais Auxerre qui reste intéressant, qui reste une équipe pas simple à jouer. Mais Lyon a fait le job pour continuer dans cette course au podium, dans cette course à la Ligue des Champions, et qui reste serein et confiant grâce à cette victoire, peut-être pour le match retour, on l'a dit à Old Trafford, je le dis aussi en Ligue des Champions. Donc une belle victoire lyonnaise. hier soir. Et tu as quatrième but de Bastia pendant qu'on parlait, 4-1 face à Laval, c'est la victoire est bien proche en tout cas pour Bastia. Et puis 3-0 pour Napoli en attendant, et bah, ça marque en même temps, c'est en ces deux matchs. 3-0 pour Naples et cette fois c'est McTominay pour un doublé. Et avec une nouvelle passe décisive de Lukaku. Bah voilà, c'est les deux mêmes qui sont impliqués dans ces matchs, décidément. Bah voilà, donc 3-0 face à Empoli, c'est bien parti maintenant pour s'imposer également. 1-0 Bournemouth Fulham toujours, tu suis toujours ça, et Atlético Valladolid toujours 2-1. Le classement avec Paris 74 points, Monaco 2e 53, Marseille 3e 52, Lyon 4e 51, Lille 50 points, Strasbourg 50 points, Nice 48. Voilà, c'est très serré jusque là. Un petit écart ensuite avec Brest 8e, Lens 9e 42 points, et en bas pour l'instant on a Nantes, Angers 30 points, Reims 29, Le Havre Barragis 27 points, Saint-Etienne 24 points et Montpellier 15 points. Les pronostics, alors je te félicite pas, hein, 2 points, c'est pas... Non, c'était pas ouf. Bon, il restera Nantes-Paris bien sûr pour prendre un point probablement, ce sera le 22 avril donc la semaine prochaine. Et alors j'étais pas loin du sans faute, il me manquait Lens pour faire le sans faute. Malheureusement, Lens n'a pas suivi la logique. 8 sur 8, ouais. Il me manque Lens-Reims, ouais, qui a pas été suivi la logique. Et en prime, le bon score de Lyon-Auxerre, 3-1. Donc il me manque vraiment que Lens pour avoir vraiment le sans faute. Et puis Paris, si ça gagne, pour bah, dommage, il manquait Lens. Mais bon, c'est pas grave. Il y aura pas eu de sans faute cette fois. On continue ces pronostics avec la 30e journée. On y va maintenant avec le match de vendredi. Ce sera Rennes, qui pour l'instant est 11e, qui reçoit Nantes, 13e. Ça, c'est proche au classement. Nantes a besoin de points. Rennes un petit peu moins avec cette victoire ce week-end. Je vais te laisser parler, je sais pas trop moi. Même si Nantes a besoin de points, effectivement, je pense que Rennes m'a montré de belles choses quand même face au Havre ce week-end à domicile pour bien terminer entre guillemets un petit peu ce comme tout à l'heure ce rush final de la saison. Ali Bey qui commence déjà un petit peu quand même à se projeter aussi sur la saison prochaine, mais moi je vais dire victoire rennaise quand même dans ce derby, en cas ce pseudo derby breton. On se demande toujours si Nantes est vraiment en Bretagne, mais mais on va dire ce derby-là. Je veux dire victoire rennaise. Nantes, ça n'a pas joué ce week-end. Ils ont peut-être un manque de rythme aussi. J'ai envie de mettre un nul, mais en même temps, je vois quand même Rennes supérieur. Ouais, c'est vrai que Nantes, comme ils n'ont pas joué, je ne sais pas trop. Ouais, je vais mettre Rennes quand même. Un peu par défaut, mais un nul n'y serait pas illogique, je pense. Mais bon. On va laisser comme ça. Parce que Rennes, ils viennent de gagner, mais avant, ils avaient fait... Qu'est-ce qu'ils avaient fait le match d'avant, Rennes? Je sais même plus. Ils avaient perdu face à Auxerre, ouais. Enfin, c'est assez irrégulier, mais bon. Ouais, je vais te suivre sur Rennes. Allez. Paris, Le Havre, ce sera samedi à 17h. Oh, bon, moi, je vais être Paris, hein, sans problème. Ouais. Paris, ouais, largement, je pense. À 19h, Monaco-Strasbourg. Match très important. Moi, je vais mettre Monaco. Je pense que voilà, ils vont gagner pour s'assurer le podium. Je mets Strasbourg. J'ai envie de croire toujours à cette continuité, la bonne forme strasbourgeoise, et j'ai envie de croire un petit peu à l'irrégularité que peut avoir Monaco des fois aussi. Ton Strasbourg. Ok. Ensuite, on aura Marseille-Montpellier à 21h. Moi, je vais mettre Marseille. Là, il n'y a plus le choix. Ce serait catastrophique de perdre à domicile contre Montpellier dans un moment si crucial. Évidemment, je vais mettre l'OM, bien sûr. Mais enfin, je suis serein, mais ce serait catastrophique de perdre. Ah oui, enfin, en tout cas, de ne pas gagner ce match, plutôt. Même de ne pas gagner, ouais. Lille-Auxerre, pardon, dimanche à 15h. Moi, je vais mettre Lille. Enfin, ça tu sais qu'il n'y a rien à jouer. Ouais, je te suis. À 17h, on aura d'abord Nice-Angers. Nice 7e, Angers 14e, je vais mettre Nice, je vais encore mettre une victoire à domicile, mais en même temps Je vois pas comment il y a un peu attendre. Je tente Nice, mais tu sais, Nice qui est. Ils se doivent de gagner, là, ils ont plus le choix, parce qu'ils sont vraiment là sur une série de 5 matchs sans victoire. Ouais, c'est fou, là. Donc c'est quand même compliqué. Mais je vais mettre Nice quand même, là, il faut qu'ils gagnent. Même si Angers se doit de gagner aussi pour le maintien, mais je vais dire Nice. Allez. Brest-Angers. Brest-Lens. Pardon, j'ai dit Brest-Lens. C'est peut-être la dernière chance pour les deux clubs. Le perdant pourra définitivement dire au revoir à l'Europe, je pense. Et le vainqueur pourra encore espérer. Moi, je vais mettre un nul là-dessus. Je pense, enfin, je sais pas. Je te suis, j'avais prévu de faire mes pronos. Je vais mettre nul aussi. Allez, nul. Ça arrangerait personne, parce que pour le coup, je pense que ça sortirait les deux de la course à l'Europe, mais je vais mettre un nul. Comme j'ai mis victoire à domicile, faut mettre un peu de nul et je vais le mettre là. Reims-Toulouse. 15e contre 12e. J'ai presque envie de mettre un nul aussi là-dessus. Je mets Reims. Tu mets Reims. Je vais un nul parce que j'en sais rien du tout. Et enfin Saint-Étienne-Lyon, 1h45. Moi je vais mettre 3 pour Lyon. Je retente le 3-1. Il est passé la semaine dernière, je le tente là. Je vois. Même si Saint-Étienne c'est faible, hein, forcément par rapport à Lyon. Les attaquants stéphanois, tu vois, le petit Lucas Tassin qui marque pas mal. Peut-être l'ambiance comme du chaudron pour le retour du derby à Geoffroy Guichard, justement. Ouais. Lyon, peut-être qu'il va laisser un peu de plume aussi, forcément, le rapport de jeudi. Je vais être 3-2 pour Lyon, quand même. Allez. Lyon gagnant, mais un petit 3-2, c'est un petit match spectaculaire, je dirais pas non. Ça fait longtemps. Allez. On tourne ça. On avait parié le Nantes, pour expliquer le Nantes PSG, parce que c'est mardi du coup. Si, on avait mis. On avait mis Paris. Non, c'est la semaine prochaine. Ouais. Oui, enfin, mardi, la semaine prochaine. Ouais. Si, on l'avait mis, on a mis Paris, ouais. Ouais. Très bien. En même temps, oui. Ouais. Oui. Bah, oui. Oui. Hein, voilà. Oui, hein. Voilà. Hein, bon. 2-2, Valladolid qui a égalisé. Gros match là en Espagne. 2-2, il reste plus d'une demi-heure, donc rien n'est fait, mais ça fait 2-2. Sanchez qui a égalisé pour Valladolid, et puis le reste, pas de but. Allez, l'agenda 22h21, on est rarement été aussi en retard, mais on va finir avec l'agenda de la semaine. L'agenda en football, évidemment. C'est les quarts de finale retour de la Ligue des Champions. Demain, place à Paris en déplacement à Aston Villa et place au Barça en déplacement à Dortmund. Mercredi, le Real recevra Arsenal pour peut-être une remontada et puis l'Inter recevra le Bayern avec un avantage d'un but. Jeudi, Lyon ira à Old Trafford à Manchester pour tenter de se qualifier pour les demi-finales. En fait, Ligue Europa, voilà donc les rendez-vous de cette semaine et puis ce week-end. On l'a dit, hein, en Ligue 1, tous les matchs qu'on vient de pronostiquer, puis tout ce qu'il y a en Europe, on vous a fait un petit agenda de ce qui se passera tout au long du week-end. Voilà pour le foot. En tennis, je vous le disais tout à l'heure, c'est l'entre-deux, entre les gros tournois. On aura Munich cette semaine et on aura un autre tournoi, j'ai oublié, en tout cas sur terre battue également. La semaine, ce sera à Barcelone, voilà. Notamment Carlos Alcaraz sera présent. Voilà pour le tennis, rugby, retour du top 14 après ces deux journées de Coupe d'Europe. Voilà une nouvelle journée en rugby. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais en National 2, qualification du RCO pour la suite des playoffs. On rappelle en National 2 qui s'est qualifié pour les demi-finales de ces playoffs. On rappelle qu'il faudra il faudra gagner les playoffs, il faudra aller au bout pour remonter. En National 1, donc en 3ème division, la victoire 15-6, c'était hier à domicile. Là, le prochain match, ce sera le 27 avril, ce sera un déplacement, mais sur terrain neutre à Tours pour affronter Niort dans la demi-finale de ces playoffs. A priori, à Tours, c'est pas encore tout à fait fixé, mais ce sera sur un terrain neutre, ça c'est sûr, pour affronter Niort. Voilà pour le RCO, donc qualifié pour la suite de ces playoffs. En basket, l'OLB, je le disais, en Pro B, il faut continuer à enchaîner pour espérer toujours aller chercher cette première place pour la remonter directement. 34e journée, je vous le disais, ce sera samedi, réception de Pau à 20h à l'Arena. Voilà pour le rendez-vous d'Orléans et puis pour la Pro League en handball pour Saran, ce sera la 27e journée et ce sera un déplacement samedi soir 20h30 à Sarrebourg, voilà pour en ce qui concerne la Pro League et pour Saran, pour la deuxième division de handball. Voilà ce qui vous attend. Et puis pour terminer, on le disait, on aura un calendrier pour la Formule 1 qui sera la suite de la saison en Arabie Saoudite, voilà, dimanche, pour la cinquième manche de cette saison. Et puis en moto, on n'aura pas de Grand Prix ce week-end puisqu'on sera en déplacement dans 15 jours en Espagne. Donc là, on aura une petite pause avant de rattaquer la saison. Voilà ce qui vous attend tout au long de la semaine. Ah, alors qu'il pleut, je ne sais pas si vous l'entendez derrière, mais il pleut chez nous. Bah voilà, on se quitte là-dessus. Quelque chose à rajouter, peut-être Hugo. Non, on va rajouter. Bonne semaine à toutes et à tous. Ouais, encore une fois, une bonne semaine européenne qui nous attend, je pense. Allez, Paris, allez, Lyon. Hein, eh oui. Façon. Eh ouais. Les directs pour qu'on se quitte avec Bournemouth Fulham 1-0, Atletico Valladolid 2-2, Bastia mène 4-1 face à Laval et Naples mène 3-0 face à Empoli. On se quitte avec un dernier titre. Adiam Diamond, c'est Miss You pour se quitter. Rendez-vous peut-être lundi prochain. Alors, on vous reconfirme ça si on sera là pour lundi de Pâques. Si émission l'IA, ce sera probablement à 20h encore, comme ce soir. On se retient au courant. Merci Hugo, bonne soirée à tous, bonne semaine. Et on se tient au courant. En tout cas, pour la semaine prochaine. Ciao, ciao, bye bye. Et portez-vous bien. Vive le sport, ciao. Ciao. Portanto, a primeira casa à qual eu tive acesso, porque a Ana Maria trabalha em várias casas, foi a da Madalena, por razões óbvias, e aí o meu trabalho ficou um bocadinho mais facilitado. Nas outras casas nem sempre foi tão fácil entrar, mas fui conseguindo algumas delas, outras não. Sim. E foi assim. O que é que na Ana Maria Jeremias se destacou que te fez querer fazer este trabalho fotográfico com ela, ou até sobre ela? Sim. Como te disse, eu conheci muito